Sur les ondes de l'internet, vous écoutez le podcast qui fait chaud. Ouais. De On a juste une vie. Le très chaud podcast. Ah, c'est qu'on est hot. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette toute nouvelle émission du podcast de On a juste une vie. Nous sommes le 14 juillet. Je suis Narf et il fait chaud. Et avec moi, il y a Anne-Marie et Blob. Allô? Allô? Allô? Yes. Bon, comment vous avez survécu, vous autres? Est-ce que vous avez joué à des jeux vidéo pour surmonter le chaud? On n'est pas sorti jouer à Pokémon Go puis on est resté à l'Arclim, c'est pour ça qu'on a su. C'est comme ça qu'on a survécu au show. Ah, j'ai pas compris. Moi, il y a du monde à job là, ils sont allés hier midi se promener. Je suis comme la pire journée, ah, hier midi. Genre, moi j'étais dehors hier là, puis j'avais de la sueur qui me coulait à des endroits que je pensais pas que je pouvais avoir de la sueur qui me coulait là, c'était pas cool. C'est non. Je comprends pas. La température, là, hier, c'était... Je pense que ça l'a... C'est... Il faisait 27, après ça, il a fait 29, puis là, hier, il faisait 30 000. C'est comme ça que ça marche, la température. Oui, c'est ça. C'est comme... C'est 28, bien chaud, 29, bien chaud. 30 000. Trop chaud. Bon. Bon. Fait que donc, oui, nous, on est raisonnables. On a rien qu'une vie. Puis, donc, on est patient. Comme ça marche on pas. On est des adultes raisonnables. On est des adultes responsables. C'est ça. Et on a adulté. Savez-vous qu'est-ce que j'ai adulté en fin de semaine passée? Oh, qu'est-ce que t'as adulté? On a magasiné un frigo. C'est quoi oh de plus boy. Adultage que ça? Ouais, ça c'est pas mal adulté ça. Puis là, pis pas longtemps avant, j'ai commandé une balayeuse sur l'internet. Et ça, c'est assez adultage, hein? Puis là, on l'a reçu, puis je l'ai essayé, puis là, j'ai passé la balayeuse. C'est-tu un robot qui marche seul? Ben là, non, là. Ah. Avec notre appareil sur le long, on n'aurait pas pu. Je veux dire, ouais, il aurait juste balayé une place, puis ce serait pas assez promené. Ben, je sais pas, j'ai un ancien collègue qui avait ça, puis il dit que ça marchait très bien, c'est juste que son chien avait vraiment peur de la chose. Mais sinon, ça marchait très bien. C'est fou que le chien a peur. Non, mais c'est parce que la petite bébête, elle part automatiquement comme programmée pour partir tous les jours comme à une heure, mettons, là, quand il est pas là. Fait que c'est le chien, tous les jours, il fait genre « Oh shit! Oh shit! » Bref. Laisse-moi pas tout seul avec ce monstre sanguinaire qui fait juste se promener en faisant du bruit. Tout seul, t'es pas là! Sauf que ça peut être dangereux. Si le chien, il aime vraiment pas, il pourrait faire pipi dessus ou des choses comme ça. Pour se venger. Ouh! Quoi que non, c'est des chats méchant, qui font ça. Je sais pas. Non, les chats, ça pisse pas des choses pour se venger. Le chat à ma soeur, quand il est pas content, il nous fait des belles petites crottes dans notre lit. Pour vrai? Ah ouais? Ah, j'avais déjà vu des chats vomir de mécontentement, là. C'est bon, beaucoup, les miens le font aussi, là. Mais chier de mécontentement, c'est hardcore, ça. Je sais pas, là, je comprends pas ce chat-là. Ben, en fait, ma chatte a déjà fait caca de mécontentement, mais c'est parce que la litière était pas assez nettoyée, fait qu'elle l'a fait juste à côté, là. Ah, ça, il fait ça aussi, mais la litière est propre, fait que... Ah, il est juste con. Il fait comme genre, oh! La litière, dedans ou dehors? Dehors, hein? Ben oui, dehors. Ah, mais des fois, moi j'ai remarqué que ma chatte au début, elle faisait pas exprès, là. Elle faisait caca entre le mur et la litière, mais c'est parce qu'elle se reculait trop dans la litière. Fait qu'elle avait quatre pattes dedans, mais ça tombait quand même à côté, genre. Ah, c'est compliqué. Des fois, elle réalise pas. Ouais. Bon. Là, étrangement, nous ne sommes pas un podcast de chats, ni de balayeuses, ni de frigo. Je veux dire, à moins que tu veuilles gamifier ton frigo. Peut-être que ça existe. Ouais, non, ça doit exister. Même si j'ai eu quand même beaucoup de plaisir à utiliser notre nouvelle balayeuse qui fonctionne très bien. Ouais. Ah non, mais balayeuse, je pense, j'ai pas essayé, là, mais il n'y a pas un jeu indie où genre, t'es comme un concierge qui passe après un jeu de shooter, genre? Oui! Oui, hein? Oui! Clean-up, Vixera, quelque chose du genre. J'ai pas joué, mais il est dans ma liste Itch.io de jeux à essayer. Genre, à un moment donné, je vais y arriver. C'est le genre de jeu que je voulais essayer en streamant, là, parce que j'aime ça streamer des affaires bizarres. Mm-hmm. Ça doit être parfait. Là. Ah, vous voulez savoir c'est quoi la merde que j'ai streamé l'autre jour? Oui. Je sais pas pourquoi exactement, mais... Ah oui, c'est... Je faisais du ménage dans mon ordi. OK. Puis là, je suis tombé sur mon dossier de jeux... Un dossier de jeux qui sont pas installés, là. C'est comme sur mon desktop. Une petite merveille qui s'appelle... 3D Pinball for Windows Space Cadet. OK. Vous souvenez-vous de ça? Ça a l'air legit, non? Vous souvenez pas de ça? Du jeu de pinball de Windows 95? Ah, ben oui. Ah, oui. Ben oui. C'était ça le titre complet. 3D Pinball... Ouais, je savais pas que c'était Space Cadet. Mais 3D Pinball, c'est toi qui l'as vu le haut ou c'est toi qui es la boule, genre? Parce qu'il y en a même pas que tu es la boule. Non. J'ai joué le jeu de pinball de Windows 95. Il était pas en 3D. Il avait l'air en 3D. C'est détaillé. Il l'avait dans le titre, là. Ouais. C'est ça. Puis là, tu y joues aujourd'hui. Puis comme c'est toutes des images qui étaient faites pour un écran d'une résolution extrême de 800 par 600, tu joues ça entre un écran, c'est tout flou. Aïe, aïe. Oh my god. C'était une belle expérience. J'ai streamé ça pendant au moins une demi-heure. J'essayais de battre mon high score de l'époque de 4 millions. J'ai pas réussi. Je me suis rendu à genre 1,2 million. Et ce, après plusieurs échecs de game vraiment poche. Dans le temps, on n'avait pas beaucoup d'autres jeux. Fait qu'on jouait longtemps en Tario. Ah ben là, man, le jeu de pinball de Windows, j'ai tellement joué. C'était le meilleur jeu de pinball. Quoique, non, il y en avait d'autres. C'était quoi mes autres jeux de pinball que j'avais? Il y avait Dream Pinball, puis Epic Pinball. Epic Pinball, ceux qui font Epic Games, ceux qui font Unreal, ils ont fait un jeu de pinball pas pire cool. C'était-tu lui que je jouais en émulateur sur Super Nintendo? Il y avait d'autres jeux que j'avais, c'était des démos, puis t'avais juste une table, mais j'y en jouais full. J'avais pas ça. J'ai encore la toune dans la tête. Et jeu Pinball Cowboy Far West. Cowboy Far West, ah ouais. Ah ouais, ouais. Mais là, 3D Pinball for Windows Space Cadet, ce n'est pas du Far West, c'est le futur. Et il y a une image vraiment moche. Genre, le petit bonhomme dans son vaisseau. Là. Qui c'est qui a dessiné ça? Le programmeur, parce que, ouf, c'est pas très beau. Ah ouais? Je persiste à croire que c'est un très bon jeu de pinball pour l'époque. Je veux dire, la physique est un peu dégueu. La table est un peu unfair, mais, tu sais, le système de mission qu'il y avait dedans, c'était pas mal cool. Parce que ça transformait un jeu de pinball comme où ce que tu fais juste pitcher ta balle partout puis essayer de faire des points en un jeu où t'as des objectifs puis tout. Bon, c'était super tough parce que genre ça prenait au moins 3 missions pour monter de 1 rang puis il y avait 7 rangs. Puis le plus loin que je me suis jamais rendu, c'est peut-être la moitié du deuxième rang. Puis c'est ça. Et autrement, c'était vraiment tough. Je me souviens, récemment, j'avais fouillé un peu sur le jeu pour je sais plus quelle raison. Puis j'étais tombé sur le site d'un gars qui était juste vraiment trop dedans. Puis qui donnait son analyse de la table de pinball, qui donnait les trucs, qui disait genre, c'est où placer la balle pour l'envoyer aux différents endroits pour contrôler tes shots. Le gars était vraiment dedans. Puis j'ai streamé ça. Puis je suis arrivé à la conclusion que streamer puis jouer au pinball en même temps, c'est vraiment pas facile. Parce que t'essayes de parler, mais faut que tu te concentres. Ouais, faut que tu focus. Fait que c'était la merde que j'ai streamé pour... C'était une petite mise en bouche. C'était un apéro avant mon plus vrai stream que j'ai fait après. Fait que vous, est-ce que vous aviez joué à Pinball Windows? Ouais. Bien sûr. Beaucoup? Non. Merci pas mal. Je suis sûr que j'ai joué pas mal, mais je suis pas sûr que j'ai déjà été bonne. Ben, le jeu de pinball, c'est toujours... Il y a toujours une part d'aléatoire. Là. Vraiment ouais. Une tonne, mais je n'étais pas particulièrement bon. Je l'ai pas nécessairement pour les scores. De toute façon, le timing était vraiment difficile parce que sur vidéo 1, genre, tu pesais puis on aurait dit qu'il y avait un délai genre de une heure avant qu'il se passe de quoi. Ah, oh, mais là, sur vidéo 1... C'est je quoi, non, sur vidéo 1? Ça s'appelait Onyx. Non, mais je veux dire, t'avais du pinball, c'est quoi un vidéo Wii? Ah, c'est un récepteur de télé câblé avec des jeux dessus. Attends. Ah, moi j'avais pas le câble. Anne-Marie, ah oh, ok, c'est ça la fin. C'est là comme, Anne-Marie, tu connais pas le vidéo Wii? Cet artefact de la culture québécoise des années 90? T'aurais pu l'essayer chez ta gardienne ou quelque chose, là. Non, le câble se rend pas dans le village, je pense. Ah oui, il se rend peut-être au cœur du village. Ouais. Ma gardienne aussi était dans un rang. My God. Mais non, j'ai pas connu ça. Désolée. Ben, c'était la nouvelle affaire. Écoute, là-dessus, t'avais un guide pour savoir c'est quoi les émissions qui étaient pour jouer. Ah, ok, t'avais, c'est le t'avais la météo. Truc comme ça, là. T'avais c'est l'ancêtre du Illico, en fait. Ouais. Sauf que Illico, il n'y a pas de jeu là-dessus. C'est juste comme pour en fait, oui, il y en a, là. Ouais, en fait, Vidéo, c'est que c'était le propre système de Vidéotron, puis les jeux étaient faits en collaboration avec l'Auto-Québec, puis tout ça, tandis que Illico, c'est un système autre qui a été acheté, genre d'un sous-traitant, quelque chose de même, qui venait avec ses choses à lui, puis qui ont adapté pour Vidéotron. Puis oui, il y a des jeux, ils sont très lents, puis ils sont pas très bons. Ah, mais surtout si t'as du. Ben, comme sur. La GameCube, là. Ouais, mais je pense que sur vidéo, oui, il y avait comme de la variété, il y avait du design, c'était tous des jeux québécois. Genre, il y avait des idées. Ah, des fois, il y avait des copies de jeux genre Q-Bert puis Burger Time. Mais t'avais des jeux originaux, carrément, qui étaient comme un peu brillants à leur façon, là. Je me souviens d'un espèce de jeu qui pouvait faire penser à un point and click, puis je me souviens pas exactement comment tu naviguais là-dedans, mais tu avais genre des images dessinées des personnages, des endroits, puis il y avait beaucoup genre de formes géométriques là-dedans, parce que dans le fond, c'était un jeu sur les mathématiques, puis comme pour passer le jeu, il fallait que tu connaisses des choses sur la géométrie. Puis c'était quand même cool, là. T'apprenais à la fin que la reine, c'était un dragon, là. Puis là, genre, elle se transforme. Puis là, fallait que tu répondes aux questions comme il faut pour réussir à la battre, là. Moi, je me souviens de Bisbille. Ouais, Bisbille aussi, c'était quand même intéressant. C'était cool, parce que ça, c'était justement, c'était un jeu qui faisait... Ça demandait pas de vitesse, là. C'est ça. Vu que t'avais pas besoin d'aller vite, c'était un board... C'était comme un board game tour par tour que tu jouais avec un ami. Okay. Puis là, tu décidais où est-ce que t'envoies. Tu décidais quelle brique que tu pétais pour avancer tes billes. T'avais des billes, genre, en haut, puis là, ben, ils pouvaient tomber sur des petits trucs en triangle, un peu comme le minigame des lions dans le jeu Anarf, ou comme le jeu Klinko dans The Price is Right, là, qui lance des pastilles en haut, puis ils vont tomber sur des pegs, puis tu sais pas genre, si ça va aller à gauche ou à droite. Là. Ouais, sauf que là, ils étaient tous bloqués par des trucs, puis là, pas toutes, mais la plupart. Tu lançais un dé, puis là, ça mettait des... Ça te disait une couleur, puis là, tu pouvais juste enlever une brique de cette couleur-là pour faire avancer tes billes. Puis là, des fois, t'étais pas content parce que la seule couleur qui restait, c'était une couleur qui aidait ton ami. Puis là, t'es comme, « Ah non, là, je suis obligé de t'aider. » C'était pas pire. Il y avait Mordicus aussi qui était le fun. C'est un jeu de puzzle où est-ce que faut que tu donnes des bananes à tous les singes. Sauf que la plupart du temps, les singes, si tu touches à la rangée de bananes, quand tu les places, ils vont préférer te manger toi plutôt que manger les bananes. Fait qu'il faut que tu trouves une façon de placer les bananes pour que les singes y aillent toutes manger, mais que toi, tu te fasses pas manger. Le but, c'était pas de manger les bananes? De quoi? Ben, je pense qu'il y en avait deux, Mordicus. Il y avait celui qu'il fallait manger les bananes, puis celui que tu parlais. Tu peux-tu? Ok. Je sais pas, man, ça fait tellement longtemps. Puis j'en mais avais pas, moi. C'est spécial, c'est un jeu de puzzle, ça peut faire penser à Adventure of Lolo, dans le fond, parce que tu poussais des blocs, puis... Adventure des of bananes. Lolo. Ouais, c'est un petit jeu sur NES, que tu te promènes un peu comme dans Zelda, mais... Tu peux pas comme vraiment attaquer et tuer des monstres, là. Tu fais juste pousser des blocs pour résoudre des puzzles. Il me semble que c'était pas payé, ce jeu-là. J'ai-tu joué? Ah non, c'est vrai, dans Adventure of Lolo, tu peux comme tirer un cossin pour freezer les ennemis, puis t'as besoin quand même d'un peu de rapidité, puis tout. Mordicus, c'était vraiment quasiment du tour par tour. Fallait juste que, genre, tu ailles à la bonne place comme il faut, là. Sans toucher aux singes. Il y avait des singes bleus qui étaient gentils, qu'eux autres, si tu leur mettais une banane, ils mangeaient juste une banane. Comme oh. Si tu leur touchais avec ton bonhomme, ils mangeaient un bonhomme. Ah, oh, ben là. Mais eux, tu pouvais pousser une banane, genre, avec ton bonhomme, puis ils allaient juste manger une banane, ils allaient pas te bouffer après. Il était rassasié. C'est ça. C'était des singes bouddhistes. Qui dit une banane, c'est assez. Je n'ai sinon, pas la légende de cette console-là, c'est Temporel Inc. C'est ah, mais je pense que vous m'avez fait downloader ça. C'était un point and click, puis j'ai comme pas dépassé la première pièce, mais j'ai pas passé plein de temps dedans, là. Mais... ben, c'est parce que ouais. C'est un point and click sans souris, avec l'ancien style, avec genre un petit écran en haut, puis en bas, 135 milliards d'options. Ouais. Oui, c'est ça. Tu ah, peux oui. Les combiner pour faire des phrases. Genre, utiliser ouais. Clé avec porte. Ouais. Ah ben... Puis ça peut être difficile. Déjà que les puzzles en soi, si l'interface avait été bonne, il était quand même assez tough. En plus, t'avais l'interface d'un jambe. Mais pourquoi c'était mythique, ce jeu-là, à part qu'on en a parlé plusieurs fois au podcast, puis... Parce que t'as ouais, l'impression qu'il y a des centaines de salles, il y a plein de choses à découvrir. Ah. Mais t'étais jamais capable d'avancer plus loin que la deuxième? Moi, je l'ai fini. Oh, boy, OK. Mmh. Bon, OK, mes parents l'ont fini, puis ils m'ont montré un petit peu comment faire, mais genre, à un moment donné, quand j'étais rendu assez vieux, je me rappelais pas de tout, puis j'étais capable de le finir quand même. Ah, bon. Quand même. C'est comme, faut que tu ailles à une place pour chercher le code, puis là, avec le code, tu peux aller débarrer la porte. Puis là, il y a un scorpion aussi, mais il faut pas que tu piles sur le scorpion, faut que tu utilises la roche pour l'écraser, ainsi de suite. Là, mettons, il y a une place avec une trappe, ben, t'as besoin d'un clou que t'aurais trouvé ailleurs. Genre, il y a une place que sur le mur, il y a des clous, puis il y en a un qui est tout croche, ben, tu peux le prendre. Puis là, faut que tu mettes le clou sur la trappe, la corde après le clou, la corde après l'anneau sur le mur, puis après ça, en tirant sur la corde, tu peux ouvrir la trappe, sinon t'es pas capable. Là, ça, c'est comme, je pense que c'est un genre de boss battle, si on veut, parce que quand tu réussis à ouvrir la trappe, ça te donne un code que là, ça save ta game. Si tu veux retourner à cette place-là, tu rentres ton code quand tu pars le jeu, puis là, tu recommences avec cette place-là de déjà clairé. Les sauvegardes par code. Mm-hmm. Le futur des jeux vidéo. C'est dommage parce que c'était pas comme dans Metroid. Genre, c'est pas un code qui contenait tout dedans. Dans Metroid, dans le fond, ton code, c'est un hash qui contient les informations de tout ce que t'as dans tes poches et de l'état du jeu à ce moment-là. Ben oui. Tandis que, mettons, dans Temporel ou dans toutes sortes d'autres jeux, souvent le code, c'est un code qui change jamais, qui fait juste te ramener au bon tableau. Là. Un code qui était hard-codé par les développeurs. Ouais, souvent ils sont très courts. Là. Mm-hmm. Des fois, ils sont super chiants à rentrer ou à noter. Là, comme dans Aladdin, c'est comme, tu peux pas noter ces codes-là, c'est les faces des bonhommes. Fait que là, fallait que tu notes genre Aladdin, Abou, génie, génie. Fort, ouais. Le futur des jeux vidéo, je te dis. Mais c'était, ça, c'était cool, par exemple, parce que tu pouvais, après ça, aller échanger les codes avec tes amis, puis dire, genre, je suis pas capable de battre tel tableau, mais là, t'allais sur Internet checker les codes, ou t'allais vraisemblablement dans le type d'eau pour aller chercher les codes. Anne-Marie, pourquoi check tu nous montres le chien? Alors, le chien, Anne-Marie, elle bouge sa caméra. Je fais une description du visuel. Mais le chien est sur le dos avec les pattes écartées, là. Le chien a l'air bien évaché. T'as chaud, coco. Excusez. En tout cas, parlant de jeu, tantôt, tu parlais de Mordicus, là, puis que c'est un jeu comme tour par tour où il faut que tu bouges, là. Mm-hmm. Parce que là, je viens de flasher, là, genre... Ça existe encore des jeux comme ça, et j'en ai même joué un récemment. Genre, j'ai joué à Lara Croft Go. Ah ouais, pis? Et en fait, c'est ça. C'est un jeu où tu t'avances case par case, tour par tour, puis les ennemis ils ont un pattern fixe. Chacun, il y en a qui vont avancer toujours en ligne droite. Fait que t'avances d'une case, ils avancent d'une case. T'avances d'une case, ils avancent d'une case. Puis, faut que tu t'apprennes comme son pattern pour pouvoir l'éviter. Ben non, ils sont pas compliqués. Puis il y a des, tu sais, les tableaux, ils vont progressivement pour te faire découvrir les mécaniques. C'est vraiment bien fait. Hmm. Puis, en tout cas, moi, je l'ai acheté là, une couple de semaines. J'ai joué, je l'ai fait à peu près la moitié, je dirais. Puis c'est pas mal cool. C'est Lara Croft qui se promène. Aviez-vous vu Hitman Go? Qu'on parlait tantôt, Hitman Go. C'est de la violence contre les mangues. La violence contre les mangues, Hitman Go. J'ai vu comme, dans le fond, j'étais dans une file d'attente pour Final Fantasy à PAX. Puis là, vu que c'était le booth de Square Enix à côté, il y avait comme une télé puis quelqu'un qui jouait à Hitman Go là, fait qu'en gros c'est ça j'ai vu. Je n'ai pas vu beaucoup là, mais j'ai vu que c'est comme une vue isométrique puis faut que tu rentres dans les maisons du monde. Ça a l'air d'être en tour par tour aussi, je pense. Faut que tu planifies. Ouais. Tu planifies comment tu vas faire ton assassinat d'avance, puis là, ça se joue. C'est ça? C'est tour par tour. C'est comme vu comme une maquette. Ça a l'air d'une maquette. Puis là, t'as ton. Ça ressemble pas comme. Ou comme un board game. C'est clair, ouais. Comment? C'est vraiment un autre visuel que le jeu qui est vraiment réaliste. Ouais. C'est vraiment comme. C'est comme un board game avec. C'est comme si t'avais une figurine du Hitman. T'avais des figurines des méchants. Puis là, à chaque fois que le Hitman, il avance de une node, là, les méchants, ils avancent de une node. Puis, tu sais, ils ont un pattern. S'ils entendent un bruit, ils te courent après. Puis, Lara Croft, c'est un peu le même principe. Là. Si il y a des serpents qui, eux autres, avancent en ligne droite, il y a des espèces d'araignées que là, dès qu'ils te voient, ils te courent après. Où sont les araignées? Il y a comme aussi des espèces de lézards. À date, il y a juste trois ennemis. Fait que, il n'y a pas beaucoup d'ennemis, mais chacun va te faire réfléchir. Faut que tu dises, genre, OK, attends, là. Faut que tu penses comme deux, trois tours d'avance pour dire, genre, OK, là, si je vais là, je vais me coincer. Ils vont me pogner. Fait que là, je vais aller à gauche pour l'attirer par là. Là, je vais pogner la lance, puis je vais pouvoir y lancer dessus. OK, là, c'est bon. Puis là, tu le fais. Puis là, ça marche. Mais c'est pas. C'est ce que j'aime parce que. Hitman Go, fuck, je suis plus capable, c'est Hitman Go, c'était plus tough, je trouve, il y avait plus d'opportunités de te tromper, puis de manier, alors que Lara Croft Go, c'est quasiment à moitié un jeu de puzzle, puis à moitié un jeu d'exploration, genre, ils ont... L'équipe qui fait le jeu a sûrement beaucoup aimé Monument Valley. Fait que c'est un mélange entre Hitman Go... Hitman Go et Monument Valley. Fait que c'est comme à moitié puzzle, à moitié exploration. Tu sais, dans Monument Valley, tu pouvais jamais mourir puis ou te coincer puis devoir recommencer, alors que là, tu peux un peu. Mais le moindrement que tu es intelligent et que tu fais attention, c'est d'habitude assez straightforward. Fait que, ben, après ça, ça dépend. De temps en temps, tu vas recommencer une couple de fois. Mais Le pacing est vraiment bon. C'est comme, t'sais, à un moment donné, tu vas en avoir un plus tough, puis après ça, tu vas en avoir peut-être un ou deux faciles pour là, t'sais, comme te remettre dedans. Fait que c'est pas comme... Ça fait pas juste comme monter en difficulté à l'infini. C'est comme ça monte un petit peu, là, ça redescend. Là, puis là t'as, t'en as un autre dur, puis là, ça redescend. Yeah. C'est super beau, puis la musique est bonne, puis c'est full ambiant. Genre, c'est bon. Puis c'est comme... 5 piastres? Ouais, je pense que c'est pas cher, là. C'est pas cher. Ça vaut la peine. Bon, là, après ça, les gens, ils vont dire « Quoi? Un jeu mobile à 5$? » Oh, ah, mais moi, j'ai encore fait du ménage sur mon téléphone, là. Ah, oh, le Farm Away pis Build Away, là, je suis juste tanné, pis ça fait juste 2 semaines que je joue. C'est pas grave. Je t'en veux pas. Mais c'est du Nord, pis ils aiment vraiment ces jeux-là, tu sais. Fait faut vraiment que je leur donne une chance, pis... Je suis juste pas capable de penser à y retourner, pis d'être comme... Je me sens juste pas amenée vers le jeu, je me sens pas portée vers le jeu, je sais pas. C'est quoi, parce qu'il y a pas assez de notifications. En 2016, la seule manière pour qu'Anne-Marie a joué un jeu, il faut que le jeu y envoie 14 notifications par jour. Non. Parce que ça aiderait peut-être. Ah, ok, non. Ben, il y en envoie quand même, pour vrai, il m'en envoie au moins 2 par jour, mais ça... Une ou deux. Ouais, mais avant il n'en voyait pas. C'est ça la fin. Ah, ok. Mais non, mais dis, mettons quand ton 4 heures de bonus est fini pour que tu ailles réécouter l'autre pub pour avoir ton 4 heures de bonus. Yep. Ouais. Fait que c'est sûr que je comprends que c'est pratique. Pour y jouer beaucoup, là. Je comprends que c'est pratique. Mais justement, parlant de jeux qui m'intéressent, c'est vrai, je l'ai même pas mis dans la liste. J'ai déjà plugué un jeu que j'ai même pas mis dans la liste. Mais c'est pas moi qui ai joué, c'est mon copain qui a joué. Puis moi, je me disais, tu vas arrêter de jouer, ça va prendre 2 secondes. Mais non! Il a joué à un clicker! Ça s'appelle Tap My Katamari. Ah, c'est pas bon, ça! C'est pas bon, pour vrai! Lui, il a vraiment joué comme pendant genre 2 semaines, là. Ouais, ouais. Ben, si c'est ton premier clicker, ok, tu vas probablement t'accrocher. Ah, ben, c'est génial! Puis j'avoue qu'ils l'ont amélioré depuis le bêta. La toune est vraiment bonne, parce qu'il a joué vraiment beaucoup à côté de moi quand on était dans le bois pendant Internet, là, pis j'aime vraiment beaucoup la toune. C'est comme le thème de Katamari, mais en jazz, chanté par une japonaise, genre, mais... C'est bonne, ouais, genre. C'était dans... C'est la toune de... du 3? Hein? En tout cas, il me semble que c'est une toune d'un autre jeu de Katamari qui existe déjà. Ça se peut. Ou pas, peut-être qu'ils en ont juste fait une nouvelle, ça se peut. Je sais pas, mais je trouvais que ça ressemblait à comme le thème classique, mais repris en version jazz. Oh. Mm-hmm. Je trouvais. Mais toi, t'es vraiment bonne, pis c'est cute, c'est coloré, pis t'as plein de cousins, pis ben, j'en revenais pas qu'il y a un gars qui a jamais joué à des clickers, à ce que je sache, là. Mais genre, il arrêtait pas de comme de sortir son téléphone, tap tap tap tap tap tap tap. C'est beau. 2 jours plus tard, vous dites du tap tap tap tap tap. Colin! Il est. Ah, là, il me dit, hey, je peux comme recommencer à zéro, mais genre, garder des bonus, pis je dis, oui, c'est ça un clicker, chérie. Y'a pas de problème parce que tu recommences tout le temps! Donc ça va être l'air le fun quand même pour ce genre de jeu, c'est coloré, pis la musique est bonne, mais. Encore là, c'est pas le genre de jeu que je me sortirais comme. Je sais pas, intéressé à y retourner, mais la plupart de ces petits jeux-là, j'en remarque que je joue vraiment pas tant sur téléphone à des jeux qui te demandent de... Tu sais, j'ai joué à Neko Atsume un bon bout de temps, mais là, il y a des nouveaux au shop, pis j'y trouve pas, pis j'ai comme perdu intérêt un peu. Ouais. Fait que, dans le fond, c'est peut-être juste pas pour moi. Toi, tu veux jouer longtemps. Non, pourtant... Ben, si je veux jouer là... Mettons que je suis dans une salle d'attente pis là, je veux jouer, là, ben là, je veux jouer. Mais comme je veux pouvoir ne pas jouer pendant 3 jours parce que je suis occupée, pis là, pas avoir l'impression de genre, oh my god, j'ai pas activé les pubs pendant 3 jours, j'ai vraiment perdu mon temps. Je joue à Picross, bref. Je joue encore pas mal juste à Picross. Pis je joue encore et sur mon cell et sur la 3DS à Pokémon Picross. Oh my god. Ouais. Tu dual game. Picross, ouais. Mais parlant des jeux qu'on a fait quand on était en vacances, pas de téléphone, pas d'internet, pas rien, j'avais apporté Ace Attorney parce qu'il m'en manque un sur la DS. Dans le fond, il y a 5 jeux de Ace Attorney, puis il y en a un que j'avais pas joué encore. Puis mon chum est comme commencé, à un moment donné, il a lâché son Katamari, puis lui, il regardait ce que je faisais, tu sais. Puis là, finalement, il a commencé à genre lire avec moi. Puis après ça, genre, me suggérer des indices. Puis là, finalement, on joue à Ace Attorney à deux. Puis je trouve que ça va vraiment mieux dans mon deux cerveaux pour réfléchir sur qu'est-ce que tu présentes quand, puis le cas, puis c'est étonnamment vraiment un bon jeu qui se joue à deux, je trouve, parce que le gameplay, c'est juste genre clique là-dessus, fais ci, fais ça. Fait que tu peux être deux pour réfléchir au jeu, puis il n'y a pas de problème. Mais j'avais jamais vu ça comme ça. Fait que ça serait une suggestion de jeu à jouer en couple, parce que Ace Attorney, c'est super le fun, puis tout le monde sait pas, genre, tout le monde pense que c'est comme cucu ou... que c'est facile ou que c'est juste un visual novel, mais comme ça fait des années que je dis que c'est malade, tu sais, mais là j'ai mon copain qui sait pas du tout son genre de jeu, puis qui a commencé à lire, puis qui a fait genre hey, c'est le fun ça. Je suis contente là. Vous jouez sur DS? Ouais, mais c'est ça, c'est que c'est juste, c'est tellement compliqué, tu sais, c'est comme une enquête là, mais c'est super compliqué là, fait que là, tu te dis ah, ok, c'est ça, ben là présente-ci, demande-y ça, puis là, qu'est-ce que je fais, puis à deux, ça va déjà pas mal mieux. Les point and click, en général... Ouais, à deux, ça doit être pas mieux. Genre, jouer à Myst, à deux, c'était pas mal plus smooth que de jouer tout seul. Ah, c'est sûr. Ah, mon Dieu. Ou même, des fois, tu sais, des fois, les jeux... C'est moins vrai maintenant, parce que maintenant, quand dans les jeux d'action, ça va toujours être super... C'est dans le temps qu'il y avait comme des boss battles... Puis il y avait comme un truc. Mais tu sais, des fois, ton cerveau, il est tellement focusé juste sur éviter les attaques du boss que t'as pas le temps de voir les cues ou de réfléchir. Ouais, ça prenait pas le temps. Mais tu sais, d'avoir une autre personne à côté qui regarde puis qui a le temps de voir parce qu'il est pas stressé, puis de faire comme genre, ah, oh, attends, là, gars, quand il se lève de même, là, t'as le temps d'aller en dessous puis de tirer de même. Puis ah, oh, ok, je l'avais pas remarqué. C'est bien plus facile quand c'est pas toi qui joues, là. Ouais. Fait que Ace Attorney à deux. Eh ben, ouais. C'est lequel que vous jouez? Là, c'est le 2. Phoenix Wright 2. Ouais, parce que je les ai fait tout croche, là. J'ai fait le 1, puis j'ai fait le 3 après, parce que je savais comme pas dans quel ordre qu'elle est. Et c'est vrai qu'il y avait pas de numéro, hein? Non, c'est ça. C'est comme pas tant écrit. Faut que j'entende sur Internet, t'ailles voir comme dans quel ordre ils sont sortis. Parce que non, il y a pas de numéro dessus. Puis dans le 3, ben c'est pas que ça spoil, mais le 3, il y a comme vraiment une fin satisfaisante qui vient réunir comme tout un peu ce que t'as fait, parce qu'il y a quand même un storyline qui suit dans la trilogie de Ace Attorney. Fait que là, j'ai un petit peu eu des spoilers, comme là, j'ai un cas, puis genre, il y a une madame qui a pas de l'air méchante au début, mais j'ai comme, il me semble qu'elle est méchante, juste parce que je m'étais fait spoiler dans le troisième, là, mais sinon, c'est pas vraiment des gros spoilers, ou sinon, je risque de pas vraiment m'en rappeler plus que, genre, j'ai un feeling, là. De toute façon, ce jeu-là, tu peux pas tellement y aller au feeling, je veux dire, faut que tu y ailles tellement étape par étape, indice par indice, que même si tu dis, je pense que c'est lui le tueur, tu peux pas skipper des étapes et dire, c'est ça. Ça marche pas comme ça. Si seulement. Ouais, si seulement. Il y en a des jeux, par exemple, dans le premier, c'était ça souvent, c'était comme, tu le savais que c'était lui. Tu fais comme, ouais. Je sais que c'est toi. Comment je peux... J'ai même un élément de preuve, mais je peux pas la sortir maintenant parce que c'est pas le bon moment. Mais c'est ça qui a de l'air dur avec... Mais c'est ça qui rend le jeu dur, mais d'un autre côté, là, c'est pas dans tous les jeux qu'il y avait ça, je trouve, mais là, des fois, t'as des prosecutors qui sont contre toi, des procureurs contre toi. Ils utilisent vraiment comme la machine légale à leur avantage. Ils sont comme, ouais, mais c'est clair qu'il ment, mais peux-tu me prouver qu'il ment? Puis là, t'es comme « Ah! Mais je sais qui m'a... Mais je sais pas quoi dire, mais je... Ah! » Mais, ou tu sais, des fois, la personne, le témoin, là, tu lui as parlé hier, il t'a dit quelque chose, il arrive en cours le lendemain, il dit totalement autre chose. Tu le sais que c'est un esti de menteur, t'as rien pour prouver qu'il est après mentir au juge. Le juge, il va pas... Tu sais, si tu dis au juge, « Ouais, mais hier, il m'a pas dit ça. » Ça marche pas, tu sais. Fait que je trouve qu'il rajoute de la difficulté comme ça, parce que tu peux pas être juste comme « Ouais, mais je le sais que c'est ça. » Non, non. Tu sais, faut que tu prouves avec des faits. Pis avec des contradictions, que genre, c'est un mensonge parce que si, ça. C'est pas juste parce que, ben, hier, il disait pas ça. Fait que, ouais. Pis comment vous faites? Est-ce que vous avez de la misère? Parce que, tu sais, ces jeux-là, tu peux comme perdre, pis là, c'est full chiant parce qu'il faut que tu recommences. Ah, ben, moi, j'ai joué longtemps, j'ai joué aux 4 autres temps, fait que je save spam vraiment beaucoup. Oh. Ouais. Save spam. Ouais. D'accord. Ben, vraiment beaucoup, là. Je suis comme, aussitôt qu'il y a un témoignage, je commence, je vais sauvegarder. Puis là, mettons, tu fais tous les trucs qui t'enlèvent pas de points. Fait que tu vas tout presser pour avoir le plus de réponses possible. Puis là, tu saves. Avant de commencer à présenter des objets, puis ça, ça t'enlève des points. Ou surtout que tu vois que genre ils commencent à te presser, puis là, ils vont te demander un choix de réponse, puis tu sais vraiment pas quoi dire. Mais là, au moment où ils le demandent, là, tu peux plus sauvegarder, fait que tu risques de perdre des points. Là. Mais quand tu sens que ça s'en vient, là, tu saves. Fait que, ouais, c'est comme ça que je perds pas de game. Si jamais je présente des affaires puis ça marche pas, puis je présente des affaires puis ça marche pas, je vais fermer ma DS puis je vais la rouvrir. Puis je vais recommencer. Je comprends pas. Genre, mais à deux, c'est moins pire. À deux, c'est moins pire. Je trouvais comme ça, là, des fois, là, j'étais vraiment comme, mais je sais pas quoi faire. Mais je pense que c'est cette phrase-là, fait que je vais prendre cette phrase-là puis je vais présenter tous mes indices sur cette phrase-là jusqu'à ce que je pogne le bon. Ça, c'est terriblement long puis plate, mais à deux, on a plus d'idées, genre. Ouais. À date, j'ai moins eu à le faire, là. OK. Mais genre, moi, je comprends pas. Qui c'est qui s'est dit, genre, ça serait une bonne idée de rajouter des game over dans ce jeu, là? Parce que c'est déjà un jeu. Ça, t'aurais aucune punition, genre. Ben oui, mais c'est déjà. Je comprends que c'est pas utile parce que tu saves pas, mais comme. Ben c'est ça. C'est bizarre que tu puisses faire n'importe quoi sans jamais avoir aucune punition. Déjà que dans ce cours-là, tout le monde fait vraiment n'importe quoi puis qu'il n'y a pas vraiment de punition, là. Sauf pour toi. Ouais. Mais tu sais, même toi, tu peux genre interrompre pis tout, pis il n'y a pas vraiment de punition. Là, tu sais, quand tu presses trop le citron de ton témoin, ils sont comme, hey, arrête de presser le témoin, mais comme. Ah non, c'est vrai, des fois, à un moment donné, ils disent, OK, là, si tu presses pour rien, on t'enlève des points. Pis t'es comme, Mais c'est toi, là. Une fois de temps en temps. C'est super rare, là. C'est comme boss mode, là. C'est comme tu disais, là, c'est tantôt sur Intemporel, là. C'est comme le boss mode de boss battle de Ace Attorney. Là. C'est dit, là, tout ce que tu fais peut te faire perdre des points, là, t'es comme, oh shit, it's on. C'est chier. Ce que je me souviens de Ace Attorney, c'est que tout est volontairement très, très explicite. Tu sais, tantôt, tu disais, genre, des fois, il te pose une question, puis t'as un choix de réponse, puis tu peux pas saver. Ouais, mais le juge, il va quand même te dire, il te laisse entendre plein de fois que ça s'en vient. Là, je vais te poser une question. Puis tu vas avoir un choix de réponse. Puis là, la question, elle va être d'une autre couleur. Puis quand tu vas voir l'autre couleur, là, tu vas pouvoir saver. Mais après, quand les choix de réponse vont apparaître, là, tu pourras plus saver. Quand tu vois l'autre couleur, il est trop tard, je pense. Quand tu vois l'autre couleur, il est trop tard. Des fois, tu le vois pas venir. Mais je pense que quand tu vois l'autre couleur, il est trop tard. Je sais pas, ben peut-être, moi je jouais sur téléphone aussi, peut-être qu'il pouvait saver plus. Je me semble que je savais sur l'écran de la question, là, mais bon. Il me semble. Ah, je sais plus, là. Attends, il y avait aussi, c'est parce que sur téléphone, il y avait aussi une save automatique à chaque écran. Fait que tu pouvais juste killer le jeu. Mettons que t'arrivais à quoi, pis t'étais bloqué, tu faisais juste killer le jeu, pis là, tu reloadais. Mais ça, c'était parce que... c'est sur téléphone, tu peux te faire interrompre n'importe quand. Ouais, dans le fond, Fait qu'il y avait nécessairement besoin d'un autosave. Bon, si t'avançais d'un... Mettons, tu fais donner une mauvaise réponse, puis là, t'avançais d'un écran, là, il est trop tard, là, il vient d'autosaver. OK. Tu peux pas... Fallait pas se fier trop. Tu peux pas revenir avec ta vraie save? Ouais, oui. OK, juste le killer puis revenir, là, ouais. Ouais, ben mais c'est ça, des fois, j'en perds un peu comme juste la première fois, parce que j'avais pas vu le puzzle venir. Mais après ça, comme, je veux pas que ça descende plus que ça, là. Mais je sais pas, man. Tu sais, ils ont mis ça pour t'empêcher de tout essayer les réponses, mais au final, c'est ça que tout le monde fait quand ils sont bloqués. Ouais, ben oui. Ben, là, si t'es bloqué, là. Fait que genre... Mais c'est pour ça, hein, je comprends. Mais c'est vrai que c'est inutile parce qu'on save spam, mais comme, c'est ça, on dirait que je le verrais pas sans ça juste parce que t'aurais jamais de punition, genre. Ouais, mais. La punition, c'est déjà le fait que essayer tous les items un par un, est-ce que ça prend du temps? Parce que là, ils vont toujours dire, genre, blablabla, ce n'est pas le bon item, là, t'as punition. Là, ta barre à vide un petit peu. là, tu peux recommencer un autre. Mais là, faut tout, tu recommences le témoignage quand même du début. Puis là, faut que tu retrouves la page, retrouves l'item. Là, tu essaies le deuxième item, puis t'en as 25. Mm-hmm. Fait que je sais pas, man, ça, c'est pour moi, ça, c'est la punition. Ouais. Me faire recommencer du début, ça, c'est pas une punition, ça, c'est... Fuck you, je ferme le jeu puis je joue plus. Ouais, ben c'est parce que les dialogues sont trop longs, puis si tu recommences, tu peux pas. Quand c'est la première fois que tu vois le dialogue, tu peux pas le skipper. Fait que ça, c'est ouais, super. Ouais, au moins, il y a ouais. ça. Mais genre, pourquoi tu me fais recommencer tout au complet? Mm-hmm. En quoi ça m'aide à mieux? En quoi. Tu sais, mettons que tu jouerais legit, là. Ouais, ouais. Mettons que tu jouerais legit. Ouais, c'est ça, je me demande, il y a tout le monde qui font genre Ace Attorney, Iron Man. Non, mais mettons. Quoi ça sert? Fait que tu sais, tu meurs, pis là, ça te recommence le case. Genre, là, tu le refais tout au complet, pis là, tu vas arriver au même point où ce que t'es bloqué. Tu vas-tu être moins bloqué? Mm-hmm. Parce que, je réfléchissais à ça l'autre fois. Tu sais, à part à propos de Mario Bros, mettons, là. Parce que, tu sais, il n'y avait plus de jeu qui avait des vies pendant longtemps, mais Mario continue à avoir des vies dans ses jeux. Mais moi, puis, tu vois, j'aimerais ça qu'il n'y en ait pas. Parce que je suis pas bonne. Puis non seulement ça, mais quand tu n'as plus de vie, il te recommence pas au début du tableau. Il te recommence comme 2-3 tableaux avant. Là, je me disais, OK. Soit c'est que Nintendo sont épais, puis qu'ils n'ont pas compris comment que les gens aiment jouer à des jeux vidéo. Tu sais, pourquoi tu peux pas me laisser recommencer le bout où je suis bloqué plein de fois jusqu'à temps que je l'aille? Mm-hmm. Ou bien, ils sont très intelligents. Pis là, ils veulent comme pas que tu sois frustré à recommencer toujours le même bout que t'es pas capable. Fait que là, ils te font recommencer des tableaux que t'es capable parce que tu les as déjà faites. Fait que là, c'est comme plus facile. Fait que là, tu te sens bien d'être capable de les faire. Mais en pratique, t'es frustré de recommencer. Fait que ça marche ouais, pas. Ouais, c'est ça. Pour un roguelike, ça marche. Parce que genre... Mettons quand je jouais à... voyons... Necrodancer, Crypt of the Necrodancer. Ouais. Ah, mais le roguelike est vraiment designé pour que tu puisses le recommencer tout le temps. Ben, c'est ça. Tu sais, comme les dragons, j'avais vraiment de la misère. Fait qu'à chaque fois qu'il y avait un dragon, je mourais. Mais là, je recommençais du début, puis là, c'était plus facile parce que c'était des ennemis normaux du début du tableau. Mais comme le tableau était random, j'avais pas l'impression de faire comme genre. Ah, je recommence le tableau du début. Là, c'était comme, non, je recommence un autre tableau. Puis les roguelikes aussi, comme, il y a le fait qu'à chaque fois que tu recommences, t'as comme appris quelque chose, fait que t'es juste meilleur, ton skill est meilleur. Mm-hmm. Ben, ça devrait être comme ça pour Mario aussi, là. Techniquement, oui. Mais ouais, si c'est ça, le même comme... tableau... Parce que tu passes, je veux dire, les premiers niveaux du roguelike, mettons, tu vas les passer plus vite la deuxième fois parce que tu sais plus comment t'y prendre. Mm-hmm. Fait que ça va toujours aller de plus en plus vite. Ouais. Puis là, ça va faire comme moi quand je joue à Dwarf Fortress, que genre, j'ai recommencé le début tellement de fois que là, ça va super vite, sauf que quand ta forteresse se développe trop vite, t'as full d'immigration. Donc là, c'est l'enfer à gérer. J'ai vraiment de la misère, là, parce que j'ai juste joué des débuts de game, parce que je finis tout le temps par genre, comme, pas rejouer. Genre, pas jouer pendant une semaine, puis là, je vais pas jouer avec la forteresse la semaine d'avant parce que c'est trop compliqué, puis je m'en rappelle plus. Fait que je joue juste comme une session, puis là, je l'abandonne. Fait que je recommence tout le temps. Fait que là, je suis rendu super habitué à recommencer. Puis là, j'avais une immigration de débile, direct au début de la game, comme après un mois. Puis là, j'étais plus capable de gérer toutes les 3000 dwarfs qu'il y avait. Même avec le Non, mais comme en haut de 100, je suis mêlée, là. Même avec le logiciel qui te permet de gérer les nains. Quoi? Parce qu'il y a un logiciel à part qui fait la gestion du micromanagement pour Dwarf Fortress pour les tâches que tu assignes à tes nains parce que l'interface du jeu est trop mauvaise. Je vous ai jamais parlé de ça! Fait que, attends. Ça veut dire que le développeur, il a volontairement pas amélioré son interface parce que de toute façon, il sait que tout le monde joue avec l'autre application? Je sais pas, honnêtement. Moi, je peux pas jouer ça à l'autre patente parce que l'interface des tâches est vraiment mal faite. Là. Pourquoi qu'il fait pas un pull request et qu'il l'intègre pas dans son jeu? Peut-être que c'est fait. Ça fait vraiment longtemps que je peux aller voir les updates ou les mises à jour ou les patch notes ou de quoi. Là. Mais, je penserais pas parce que ça fit pas comme. Mais tu sais, comme le jeu il est en ASCII super simple. Puis, tu peux-tu jouer avec la souris? Je pense que tu peux pas jouer avec la souris, tandis que l'interface, ben, c'est juste des cases que tu coches avec la souris. Fait que je sais pas comment ils pourraient intégrer ça, honnêtement. C'est que... Ben, NetApp a du support souris, là. Ouais. C'est pas grave. Ton curseur, c'est un carré de ASCII qui suit ta souris. Ta souris, ouais. Et Dwarf Fortress, c'est-tu du support souris? Je pense pas. Mais... Moi, je joue juste avec les clavier. Dans... NetHack, il pourrait. Ouais, il pourrait en mettre. Mais ça casserait pas la façon que Dwarf Fortress est faite. De te fournir une liste avec des choses à cocher puis un curseur le même. Est-ce que ça serait pratique en torpinouche? Moi, ça me frustre d'entendre des choses comme ça. Parce que, genre, en tant que game designer, en tant que designer, si. Mais t'as-tu déjà joué à ce jeu-là? Non, mais. Mais tu sais, si tu veux faire, ils ont fait un système de nains, de, je sais pas, c'est comment t'as dit, la gestion des tâches des nains, c'est ça? Il y a toutes les l'éventail des tâches qu'un nain peut faire, là, fait qu'il donne à avoir comme 30. Fait que quand tu vas voir le nain, tu l'as toutes les 30 tâches, puis il y en a qui sont cochées, puis ben il y en a qui sont en surbrillance, puis il y en a qui le sont pas. Fait que ceux qui sont en surbrillance, c'est ceux qui sont activés, c'est ceux qui vont faire. Parce que le nain est indépendant, il agit tout seul. Fait que tu fais juste lui donner des tâches, genre ça tu peux le faire, ça tu peux pas le faire. Puis après ça, il va juste le faire en fonction de qu'est-ce qu'il y a à faire. Comme qu'est-ce qu'il y a de disponible, mettons là. Mm-hmm. Sauf qu'il faut que tu y ailles nain par nain. C'est super long. Tandis que dans le logiciel, il y a la liste des nains dans l'axe des Y, la liste des tâches dans l'axe des X. Fait que là, c'est juste un grid, pis tu fais juste cocher, là. Tu pourrais pas en sélectionner une dizaine d'une shot, pis faire comme, t'in, tous vous autres, tac, tac, tac. Non. Créer des teams de nains. Peut-être qu'il y a ça à cette heure, mais je suis pas sûr. Parce qu'à un moment donné, t'en as 100, là, fait que tu t'imagines comme les poigner par un, pis dire, genre, toi, tu as le droit, toi, tu vas miner, couper du bois, ou genre, ramasser, pis c'est tout. Hop là, toi, tu vas, genre, faire du fromage. Mais s'il n'y a pas de fromage à faire, je veux que tu fasses du ramassage aussi. Genre. Oh my god. Il y a vraiment une trentaine de tâches, puis il y a des affaires super pointues, genre, toi, tu tailles la roche, mais tu mines pas. Quand il y a déjà de la roche minée, là, tu peux la tailler. Genre. mais tu sais, justement, c'est comme, si le jeu doit quand même s'adapter à son interface. C'est comme, il y a des jeux que tu ne peux pas faire sur mobile parce que c'est de la merde. Mm-hmm. Il y a des jeux que tu ne peux pas faire sur une console parce qu'avec une manette, c'est de la merde. Puis il y a des jeux que tu peux pas vraiment faire sur PC parce qu'avec un clavier et une souris, ça va mal. Tu sais, dans la vie, il faut que tu adaptes à ton interface. Si il y a beau faire un système vraiment cool, si l'interface pour l'utiliser est super chiante puis qu'à cause de ça, les gens ils veulent pas l'utiliser... Ça fait que ton jeu, il n'est pas le fun. Ouais. Surtout s'il faut que tu utilises une application séparée. C'est comme, ben ouais, ben je vais aller m'amuser dans Excel tant qu'à faire. Ah, oh, mais c'est clair que le monde s'amuse dans Excel pour jouer à ça, là. Ça, c'est un given. C'est oui. Comme jouer à EVE Online, genre. Oui, quand non. Quand t'as EVE Online, tu t'installes Excel. Ça vient ensemble. Oui, non. Ça, je comprends, mais tu sais... C'est un jeu complexe pour les gens. Mais justement, imagine si, au lieu d'utiliser Excel, EVE Online avait son système de management intégré qui ressemble à Excel, mais qui va fucking mal. Ben là, les gens, ils feraient quoi? Ils feraient genre, c'est de la merde ce jeu-là, je vais m'installer Excel. Bon, mais mettons qu'Excel n'existerait pas. Puis que là, ouais. Le jeu, il t'offrait une espèce d'interface du genre de Excel, mais vraiment de la merde. Mm-hmm. Qu'il faut que tu utilises uniquement avec les flèches du clavier ou uniquement avec la souris ou je sais pas, moi, il faut que tu utilises en je sais pas, n'importe quoi, là, qui marcherait pas. Genre, ah non, faut que tu joues avec une manette de guitare. Une manette de Wii, mais t'as juste le waggle, t'as pas de bouton. Il y a pas de pointeur. Parce qu'on a toute peur que genre la manette soit là. Movement again. Faut que tu t'adaptes à ta manette. Faut que tu t'adaptes à ton contrôleur. Faut que tu t'adaptes à ton interface. C'est ça qui fait de quoi qu'il se joue bien là. T'sais, c'est pour ça que les jeux, mettons, sur mettons que t'as un système de chat sur PC, ça marche, parce que tu peux taper vite au clavier sur console, système de chat. Fuck you. Et c'est pour ça que le voice chat a été devenu super populaire sur console. Ben oui. Puis c'est pour ça que là, maintenant, t'as des affaires du genre Overwatch, là, que t'as comme des raccourcis sur ta manette pour envoyer des messages vocaux rapides, je pense. C'est dans Overwatch ou c'est dans Left 4 Dead, peut-être? Comme des espèces de trucs que tu peux faire avec en radial, là. C'est comme un rond, puis là, t'as comme des mots, c'est cool. Je pourrais pas te dire dans quel jeu, par exemple, mais je sais de quoi tu parles. Là. Les jeux avec des menus. Pour dire des trucs rapides. Mais comme League of Legends, t'as de quoi juste pour mettre des waypoints? Je pense à un truc radial comme ça aussi, pour placer des waypoints sur la map, là, pour dire genre, OK, tout le monde, mettons que tu mets un point pour dire genre, je veux que vous ayez ici, ou ben, il y a un ennemi ici, ou ben, il manque un ennemi ici, t'sais, ouais. Mm-hmm. Tu sais, quand les premiers jeux qui ont inventé les menus en cercle, qui étaient faits pour des manettes avec un contrôleur analogue circulaire, c'est comme, ça a été une révolution en jeu vidéo, là, dans les interfaces. Parce que là, soudainement, t'avais plus besoin de faire un menu qu'il fallait que tu fasses comme en droite, bas, pour aller sectionner l'item. Tu faisais juste comme, je veux ça, clic. Puis là, tu le sélectionnes l'item tout de suite. Là, comme les Sims, quand tu cliques sur ton Sim. Ou sur un objet, dans le fond. Ouais. Des menus circulaires. Puis à ce temps, ils s'expandent, là. Genre, tu cliques sur un, puis ça t'ouvre un autre menu circulaire. Ouais. C'est-tu à cause pour que tu peux jouer avec une manette, ça? Parce que je pense pas que tu peux jouer avec une manette. Non. Mais ça va quand même bien qu'une souris pareille, parce qu'au lieu de scroller, puis de descendre, puis de manquer de pas cliquer à la bonne place, tu fais juste ça. Tu tasses, puis tu cliques dans des directions, genre. C'est pratique pour ça aussi, le menu radial. Tu sais que il y a beaucoup de gens de designers d'interface d'ordinateur. Qui ça fait des années qu'ils disent que les menus, là, tu fais right-click, là, ça ouvre un menu. Il n'y a aucune raison pourquoi ce menu-là n'est pas fait en cercle, pour que chaque item soit à une équidistance de ton curseur. Ouais. Parce que là, celui qui est le plus... Mais c'est pratique quand c'est à toute une équidistance de ton curseur. Hein? Mais c'est ça que je veux dire tantôt, c'est que c'est pratique, tu as moins de chances de misclick, je pense. C'est ça. Mais c'est surtout que c'est... Pour cliquer rapidement sur un bouton puis qu'une interface soit agréable à utiliser, c'est en fonction de la taille du bouton et de la distance entre le curseur et la cible. Plus, mettons que ton curseur il est au centre de l'écran, c'est quoi les zones les plus rapides dans l'écran à accéder? Ben, c'est des zones à côté. Puis après ça, il y a comme, si ton bouton il est très gros, il va être plus rapide à cliquer que s'il est tout petit. Puis moi, ça me fait mourir. Là. Des fois, tu utilises des logiciels, surtout des vieux logiciels qui étaient faits pour des petits écrans. Là, tu les utilises sur un écran d'aujourd'hui. Puis là, c'est un paquet de petits boutons. Là, puis là, faut que tu bouges ta souris super gros. Mais là, quand tu as cliqué sur le petit bouton super précis, puis là, ça va super mal. Ça m'énerve. Fait que des menus en cercle, c'est le best. Comme ça, tous les items sont proches. C'est ergonomique. Puis même, tu peux finir par apprendre, genre, OK, telle option, tu regardes même pas, tu fais juste comme pitcher ta souris à droite, puis voilà, tu cliques dessus. Comme, c'est le logiciel que j'utilise à la job pour faire mes dessins sur mes sketchs, je pense qu'il s'appelle Sketchbook. C'est fait par... Autodesk, je pense. Puis justement, le menu, il est fait... Certains des menus sont faits en circulaire, fait que moi, je sais que quand je clique sur un calque, je clique, puis là, je garoche ma souris à droite pour modifier le nom, ou en haut à droite pour l'effacer, ou en haut à gauche pour le déliter. Fait que c'est comme clic, pitch la souris, lâche. J'ai même pas besoin d'aller sélectionner, je peux juste comme à peu près aller dans la direction, lâche le bouton, pouf, le calque est délité. Ça va super bien. Yeah. En tout cas. Cool. Ça, on parlait l'ergonomie de ça. En design. Ah oui, à cause de Dwarf Fortress. Ouais, pourquoi on parlait de ça, non? À cause des roguelikes? Pourquoi on parlait de ça, non? Ça veut-tu un lien Case Attorney? Oui, ça a un lien Case Attorney parce qu'il faut recommencer. Puis c'est plate de recommencer. Oh, mais là, quand on a dit ça, là, on a parlé de Mario. J'ai juste de quoi à parler. Vite, vite, vite, vite. Là. Aujourd'hui, je joue au jeu 10 Second Ninja. Oh, c'est quoi ça déjà? J'ai joué genre 10 secondes. Ha ha! Ah, 10 secondes. Je suis pas capable. C'est genre un jeu, c'est comme un petit platformer. Là. T'as un level de platformer. Faut que tu le fasses en moins de 10 secondes. Fait que t'as genre des ennemis à battre comme à différents endroits. Fait que faut que tu sautes pis faut que tu pognes tout. Tu peux soit les taper de proche ou lancer un shuriken. Faut que tu fasses tout en 10 secondes. Puis moi, je suis comme incapable de me déplacer rapidement et efficacement dans un platformer. Fait que je suis pas capable. J'ai joué, genre j'ai réussi le premier nouveau, j'ai pas réussi le deuxième, j'ai fait. Non. C'est-tu le jeu qu'il faut. C'est-tu le jeu que. C'est par Dan Pierce, pis ça me disait de quoi Dan Pierce? Il y a du rewind. Ouais, pis des affaires comme ça. Pardon? C'était-tu. Ten Second Ninja, c'était-tu le jeu qui a comme du fast forward pis du rewind pis des choses comme ça pour non. Comme. Ah oh, ben, je me suis pas rendu là de Barciana. Peut-être pas rendu là. Ouais. Il semble que c'est ça. C'est ça la pogne, c'est que genre tu peux comme contrôler le. Tu sais, il y a des tableaux que c'est impossible à faire en 10 secondes, mais t'as comme un pouvoir de comme mettre sur pause. Puis là, ça te permet de continuer à te déplacer pendant que t'es sur pause. Une affaire de même. Ah, ben j'imagine qu'éventuellement, ouais, tu peux peut-être le faire. Hein. Parce que là, je regarde, puis les comme, ouais, les, à un moment donné, ils deviennent vraiment compliqués, les levels. Là. Donc, ça se peut. Mais moi, j'étais au très, très classique saute et pitch des shurikens, puis j'étais déjà pas capable. Bon. Ouais, fait que c'est ça. Comme le... que si vous aimez les platformers, puis être capable de faire de quoi vraiment vite, c'est comme Ninja. Mais c'est comme le... Il y a un RPG qui s'appelle genre 30 Second RPG ou 30 Second Hero. Ah ouais? Ou 2 Minute Hero. Non, ça vous dit rien. Je me rappelle de 10 Second Doctor. Ça, c'est vraiment drôle. T'as un patient, ils disent un gogos, faut que tu choisisses le bon objet pour le diagnostic. Si t'as le bon objet pour le diagnostic, ensuite, faut que tu trouves le bon objet pour le traitement. Avec genre une autre phrase, là. T'as 10 secondes, c'est super drôle, c'est dans un browser. Moi, je me souviens de. Il y avait 10 Second Go. Non, ça s'appelait Run Jesus Run, aka The 10 Second Gospel. Oh! C'est l'histoire de Jésus en 10 secondes, pis ça se joue comme un WarioWare. Ok. C'est fucking drôle. Fait que t'es Jésus, t'as comme 5 ou 7 miracles à faire en 10 secondes. Fait que t'as. Pis à chaque fois, c'est Jésus qui court d'un bord de l'écran à l'autre bord de l'écran. Pis là, faut soit que tu. Comme que tu sautes, ou que tu donnes de quoi, ou que tu ressuscites quelqu'un, ou que tu marches sur l'eau, ou des choses comme ça. C'est génial. Run, Jesus, run, a.k.a. The 10 Second Gospel. Mais là, le jeu, j'essaie de retrouver... C'est un jeu de même, mais ça, c'est vraiment un vrai jeu, 10 Second Ninja. Que j'ai clairement pogné dans un bundle, fait que c'est pas grave. Ah, c'est ça, aujourd'hui, vu qu'il y avait le podcast, ben, avant de commencer, cet après-midi, là, j'ai essayé une couple de jeux, comme ça. Ah! Le jeu que je cherchais tantôt, c'est Half Minute Hero. Ah! Il est sur Steam. En tout cas, le sequel, il est sur Steam. Je l'ai peut-être parce que ça me dit quand même quelque chose. Ben oui, c'est sûr que t'as tout. Half Minute Hero. Ouais, mais j'en ai bien trop des jeux. Ce jeu-là, c'est un RPG qu'il faut que tu fasses en 30 secondes. Mais finalement, en fait, c'est plus comme un puzzle, parce que... Tu trouves la façon, ben, 10 Second Ninja aussi, je pensais ça, c'est qu'il faut que tu trouves la façon de passer à travers le niveau le plus vite possible, fait qu'il faut que t'optimises tout, là. Puis le temps, il avance pas dans les villes, fait que tu peux te garocher dans les villes, là, prendre le temps d'acheter tes affaires. Mais sinon, faut que t'avances vite, puis c'est ça. Il y a comme, tu peux payer pour rewinder le temps. À une espèce de goddess. C'est comme ça que tu fais pour jouer pendant plus que 30 secondes. Okay. Finalement, le temps que tu passes dans les villes quand le temps est sur pause, ça te rajoute une couple de minutes. Après ça, tu vas resetter le 30 secondes une couple de fois, fait que ça finit par prendre comme 5 minutes. Oh my god, il y a un éditeur de RPG dans le nouveau jeu. Ouais. De l'eau, puis de la désert, puis de du gazon, puis de la montagne, puis la goddess, la déesse. Ah oh, ouais, Half Minute Hero, The Second Coming. C'est pas lui que j'ai, par exemple. Oh. En fait, les deux sont sur Steam. Ouais. Ça avait commencé sur PSP, cette affaire-là. Ah ouais? Ouais. Le premier était sur PSP, après ça il est sorti sur Xbox Live Arcade, sur Xbox 360, c'est là que j'ai joué. Mais j'ai pas joué tant que ça, je sais pas exactement, ça fait trop longtemps, mais il y avait de quoi qui me gossait. Comme d'habitude. De quoi qui me gosse, je fais comme, bah, je joue plus. Qu'est-ce que j'ai essayé aussi que j'ai pas joué ben plus que ça? 16-bit Trader. C'est un marchand. Puis là, faut aller d'une ville à l'autre. Puis comme il y a des marchés avec comme des prix d'achat puis de vente de marchandises, fait qu'il faut t'acheter comme pas cher puis t'essayer de le revendre dans une autre ville plus cher. Mm-hmm. Puis là, il y a tout le temps des brigands puis il y a des gens qui te donnent des quêtes puis tu te promènes. Mais je finissais tout le temps par perdre mon argent. J'ai genre pas réussi à avoir de l'argent dans ce fichu jeu. Yeah. Fait que non. Je vais peut-être une demi-heure. C'est sur téléphone? Ah, c'est sur Steam aussi. Ah. Je veux un jeu à 3 piastres. Avec mon dieu, avec. Tu sais, quand je prends les jeux dans des bundles, là, je sais pas c'est quoi les reviews. Les reviews sont vraiment négatives. Oups. Ben c'était pas juste moi. Mais j'ai pas trouvé comment faire de l'argent avec ce fichu jeu-là. Enfin. Sinon, je me rends compte que j'aurais dû parler d'un truc depuis le début, parce que j'ai joué à une affaire récent. Ouh! Un jeu qui venait juste de sortir, que j'ai acheté quasiment la journée qui est sortie. Full price! Hein? À 21$. Oups, c'est pas un gros jeu. J'ai dépensé de l'argent d'un jeu récent sorti la journée même à 21$. Oui. J'ai fait ça. Qu'est-ce que c'est? Soyez impressionnés. Je n'ai pas attendu la vente sur Steam. Il était même pas en rabais de pré-release. Wow. Inside. Le nouveau jeu de ceux qui ont fait Limbo. Oh, ok. Intéressant. C'est bon! Ouais, c'est quoi? C'est fou. Il faut faire attention pour pas dire. Je joue souvent à des jeux à spoiler, hein. Fait qu'il faut faire attention. Okay. Eh bien, Inside, ça reprend les thématiques et les mécaniques de Limbo. T'sais, Limbo, c'est un platformer avec full ambiance, génial, très noir, tout en nombre. En nombre comme des chiffres. En nombre comme dans sombre. Noir et blanc, tout en clair-obscur. C'est ça. Avec une musique smooth, puis des morts un peu atroces, mais distantes. Ouais, c'est vrai qu'il y a toujours comme une distance. Puis essentiellement, c'était comme un platformer puzzle très difficile. Mais, tu sais, niveau narratif, c'était assez basic. C'était juste comme un petit gars qui se promenait dans une forêt, puis il y avait des éléments un peu narratifs, il y avait comme la grosse araignée, il y avait comme des bonhommes avec des lances un peu qui te couraient après. Tu savais pas trop pourquoi, tu savais pas trop c'était qui. Mais au final, c'était assez simple. Ouais. Dans Inside, là, ils reprennent un peu le même principe dans le sens que c'est un platformer. Mais niveau narratif, c'est pas mal plus poussé. Mais c'est un narratif muet. Il n'y a comme aucun mot dans tout le jeu, sauf dans le menu, puis encore, il y a à peu près 10 mots gros max, incluant les settings. Tout est muet, tout est en image, tout est en mécanique de jeu, tout est en animation. Puis c'est très... comment qu'on pourrait dire l'histoire? C'est un peu flou parce que je l'ai fait comme. Voilà, mais ça ressemble à quoi, là? Comme, c'est encore en noir et blanc, c'est super dark, c'est joyeux, c'est. Ok. Ah, ok, c'est une bonne question. C'est un platformer. J'ai aucune c'est toujours idée, à vue de côté. Ouais. C'est plus coloré que Limbo. Ok. Ouais, c'est pas dur à battre. Il y a quand même des couleurs, mais ça a une palette comme noir, blanc et rouge. Mais rouge okay. Un peu rouge foncé. Oh. Rouge. Rouille. Non, pas rouille. C'est rouge vin. Je sais pas. Bourgogne. Un beau rouge. Un beau rouge vif. Rouge beau. Un beau rouge, c'est ça. Ah, si vous regardez cet épisode en vidéo, rouge comme mes rideaux. Oh, ok, c'est ça, quand là. Même pas si foncé que ça, là. Non? Un beau rouge. Ok. Puis je sais pas s'il y a. Il y a probablement d'autres couleurs, là, mais il y a comme une emphase sur le rouge. Ok. Puis. Comment dire? C'est tellement beau! Man, c'est beau! Il y a des bouts que je regardais ça, j'étais comme, ah, c'est un film. Là, j'étais comme, non, non, c'est vrai, j'étais en train de jouer un jeu vidéo, là. Mais les effets, là, c'est tellement. Tu sais, il y a les flous, les particules, les couleurs, les reflets de lumière, les jeux de lumière. Oh my god, c'est beau! Puis c'est sur mon ordi ordinaire, là, qui est pas génial. Ça roule super bien. C'était super beau. Comme. Tu sais, Limbo, c'était beau, mais c'était minimaliste. Là, c'était ouais, beau. Avec. Tu sais, les personnages sont quand même assez minimalistes. Comme, ils ont toutes pas de face. Ils ont comme une. Ils ont pas de visage. Ils ont comme une tête avec, comme, pas de face. Mais genre, ah man, des fois tu vas en dessous de l'eau, là, pis là, comment que l'eau elle bouge, c'est comme, genre, shit, ils ont pris une caméra pis ils ont filmé en dessous de l'eau, avec de la bouette pis des particules pis des reflets, c'est malade. Pis narrativement, c'est très cool, mais je veux rien dire parce que c'est bon. Pis c'est comme, tu sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça l'affaire, c'est que tu sais pas qu'est-ce qui se passe, fait que je vais pas vous le dire, évidemment. Puis, man, j'ai très hâte que vous jouiez, puis qu'on se fasse un spoiler cast, parce que ça serait malade. Pour discuter oh, wow. Des théories. Parce que même quand tu finis le jeu, tu fais comme genre. Ah ouais. Ah, ok, c'est cool ça. Puis, il y a comme une grosse twist vers le dernier quart du jeu. Là, tu fais comme. Qu'est-ce qui se passe? C'est très très cool. C'est très, oh, très, ça me dit qu'il y a du contenu inapproprié quand j'essaie d'aller sur la page sur Steam. Ouais. Mais ça doit être choquant, là. Ça doit plus parce que ça doit être choquant. Check bien. Tu sais, Limbo, c'était dark parce que le décor était noir. Puis parce qu'il y avait plein de pièges à ours, puis tu te faisais décapiter. J'ai pas moi la chenille sur ta tête, là, et que je trouvais ça dégueu. Ouais, ok. La chenille, tu marchais dans une direction, là. Bon. Ben, les pattes de l'araignée. Ah, oh, les pattes ben, de l'araignée. Ben, check bien. Limbo... non, Inside, mm-hmm. C'est plus de ça. Oh my god. C'est un jeu d'horreur comme l'horreur devrait être selon moi. C'est-à-dire que c'est creepy, mais ça faut pas te faire des sauts. Puis tu vas jamais avoir peur, mais tu okay. vas être vraiment malaisé. T'as la chair de poule tout le long. Ouais, un peu. Tu il y te sens comme genre. Quand même dans chair de poule, là. Je sais pas. Hein. Je pense pas que c'est le cas dans ça. T'essayes de comprendre. Puis en même temps, c'est un mystère parce que t'essayes de comprendre what the fuck is going on. C'est... Mm-hmm. Tu rentres dans une espèce d'usine, puis il y a des gens, puis tu vas voir beaucoup de gens, tu vas voir des animaux, tu vas voir plein. Il y a plein de choses. Alors que Limbo, justement, c'était plus comme mécanique, simple. Des plateformes, des cordes, des affaires comme ça. Là, il y a comme il y a beaucoup de gens, puis il y a des t'es observé par certains moments, tu dois faire certaines choses, il y a des gens qui te courent après par d'autres moments, il y a des trucs okay. que tu dois éviter, il y a des fait que des fois c'est un peu un stealth game, des fois c'est un peu un escape run as fast as you can, des fois c'est comme il y a des trucs à déjouer, c'est y a plein de belles séquences vraiment cool. C'est tellement cool que dès que j'ai fini le jeu, première chose que j'ai faite, c'est de le rejouer au complet. Alors que ça m'avait pris... Tu sais, quand tu le sais pas, les puzzles vont te prendre un peu plus de temps. Fait que ça m'avait pris peut-être 5 heures, 7 heures, dur à dire. Puis quand je l'ai refait au complet, ça m'a pris à peu près 1 heure. Puis tu veux le refaire au complet parce qu'il y a des achievements, il y a des trucs secrets pour aller débloquer une espèce de fin plus secrète. Que sur le coup, j'étais comme... c'était donc bien disappointing et décevant comme fin. Mais que là, en réfléchissant, c'est comme... Oh, mais attends, qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Puis là, j'étais allé sur Internet, j'ai lu des théories, puis là, je suis comme... Oh, shit! C'est malade! C'est malade! Ça remet tout en question. Qui suis-je? Où vais-je? Quelle est ma destinée? Est-ce que je fais le bien ou je fais n'importe quoi? Suis-je maître de mon destin? C'est ce que tu sais tout le monde capotait quand BioShock est sorti là, le premier là, c'est comme il y avait le bout où là, le joueur c'est comme est-ce que t'es en contrôle? Non, bon. Ça c'est intéressant. Là c'est comme ça fois 10. Ce genre de trucs qui te font réfléchir. Bref, c'est très bon. C'est Inside. C'est malheureusement seulement sur Steam et Xbox parce qu'ils ont eu un deal avec, ils ont fait un deal avec Microsoft. Fait que ça ne sera pas sur PS4 avant au moins un bon bout. C'est uniquement sur Microsoft Xbox et sur Microsoft Windows, dans le fond. Mais c'est très bon. Donc, jouez-y. Même si c'est 21$ et que ça peut sembler dispendieux. Voilà. Est-ce que je vous ai convaincu? Est-ce que vous allez jouer le jeu immédiatement après le podcast? Je l'ai mis dans ma wishlist, là. Yes. Yeah. Parlant de ça, spoiler, mais j'en ai un autre. Oups, excuse. J'allais dire, tu joues, puis là, on fait un spoiler cast. C'est ça le plan. Okay. Qu'est-ce que t'as joué d'autre? Capsized. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. J'avais ça, là, ça fait partie des 3000 jeux que j'ai. Ça dit quoi, Blob? Non, pas du tout. Ok. C'est ça, fait que à un moment donné, j'en installe puis je joue. T'es comme un astronaute que son vaisseau s'est crashé sur une planète extraterrestre puis là, faut essayer de sortir de là. En fait, faut que tu rescues tes autres teammates, faut que tu trouves des morceaux puis après ça, que tu refasses ton vaisseau puis que tu t'en ailles. Fait que c'est juste ça, mais il y a plein. C'est un side-scroller, mais t'as plein de trucs qui font que tu fuck un peu la gravité. Tu sais, t'as un jetpack, tu peux sauter vraiment vraiment haut. Puis tu peux tirer dans toutes les directions aussi. Fait que ça ressemble un peu comme à un shooter, parce que t'as plusieurs types de guns, fait qu'avec plusieurs types de munitions, puis plusieurs types de tu sais, il y en a que c'est des rayons, il y en a que c'est des projectiles, etc. Fait que ça ressemble un peu à un space shooter, mais... Puis en plus, t'as des physiques, fait que t'as comme un grappling hook, fait que des fois, tu peux prendre des trucs, puis les garrocher dans d'autres directions, puis ça aussi, ça fuck un peu la gravité. Fait que ça joue beaucoup, beaucoup avec la physique pour justement te faire explorer, te faire tuer des monstres, te rendre à différents endroits pour aller trouver les objets qu'il faut que tu récupères, tes mates qu'il faut que tu récupères. Ça m'a pris, je pense, 4 heures. Je l'ai passé dans une soirée, là, fait que ça m'a pris 3-4 heures, mais j'ai vraiment aimé ça. Oh, j'ai vraiment trouvé ça satisfaisant. Ouais. C'est un petit jeu à... Je sais pas. Il est pas marqué. Pourquoi il est pas marqué? Qu'est-ce qui se passe, Tim? C'est un jeu à 10$. Ouais, voilà. Bon. Puis c'est beau. C'est vraiment joli. Puis c'est un bon défi. Pour vrai, de passer à travers. Que genre... C'est tout comme des petits objets, genre, mais qui sont gros. Parce que t'es tout petit. C'est pas ça, c'est pas le jeu, là? Non. Capsize, ouais! Je sais pas pourquoi ça s'appelle Capsize, genre, est-ce que t'es petit? Mais comme toutes les aliens sont de la même grosseur que toi, là. Ah, oh, ok. Parce que il me semblait que... J'avais un souvenir que c'était comme Pikmin. Genre que t'es... Que tu vas trouver comme, je sais pas moi, une batterie ou une enveloppe d'allumettes, pis qu'elle est comme grosse comme... comme un char pour toi, là. Non. Parce que non, je regarde les screenshots, okay. Puis... Non, je pense pas. Je l'avais, ce jeu-là, et puis j'avais essayé, mais quand j'ai joué sur mon vieux laptop, le framerate était pourri, fait que j'ai joué 2 minutes avant de faire comme, bon, c'est poche. c'est mon vieux laptop. C'est pas de ma faute. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ça. J'ai eu beaucoup de défis avec comme les derniers boss. Là, au point que je suis allé voir sur Internet, genre, est-ce que je fais quelque chose de pas correct parce que j'arrête pas de mourir? Mais, finalement, c'est ça. Il y avait comme une weakness que j'avais comme pas vue. J'avais pas compris. Fait que ça se fait quand même bien. Je pense que tu peux recommencer à des difficultés plus difficiles aussi. Je pense que je l'avais mis à facile. Là. Mais il y a plein de trucs cachés aussi dans les niveaux. Puis c'est ça, c'est très... T'as un grappling hook, puis t'as un jetpack. Fait que tu peux vraiment te promener comme... C'est un side-scrolling, mais la map, elle marche aussi en hauteur. Alors, donc, un peu comme Metroid? J'ai pas beaucoup joué à Metroid. Aucun? Je sais pas. Non. Ah. À Castlevania? Non plus. As-tu essayé Downwell? Non. Est-ce que t'as vu... Ah, mais Downwell, tu fais pas juste descendre. Coudon, Anne-Marie, là, tu dis non à tous les jeux qu'on nomme, là. T'es-tu une vraie gamer? Je sais pas. Non, mais moi, t'es gamer pas. Cred? Moi, je suis une gamer de PC, fait qu'il y a Castlevania puis Metroid. Sorry. Okay, okay. Ouais. Non, mais j'ai joué à Metroid, il me semble, sur un émulateur de Game Boy Advance quand j'étais jeune. Puis il me semble que c'était juste très, très gauche-droite, là. Mais je me suis pas rendu loin non plus. T'avais joué à Metroid... C'était lequel? Celui de Game Boy Advance? Ouais. Écoute, je me rappelle. Sinon, on pourrait comparer avec Super Mario Bros. 2. Il est assez vertical dans beaucoup de places. Ah oui? Super Mario Bros. 2, tu grimpes des lianes, puis genre... Ah, oui, oui. Tu vas pas de gauche à droite, tu sautes sur des choses en montant. Là, c'est que t'as moins de gravité, genre. La gravité comme moins pertinente. Tu peux vraiment te déplacer comme partout. Parce que t'as ton jetpack. Ouais, c'est ça. Ben, souvent, au début du level, soit tu l'as pas, soit t'as genre pas de gaz dedans. Fait que là, faut que tu te promènes, puis t'as collecté du gaz. Puis quand t'en as un, ben là, après ça, tu peux t'en aller plus... puis aller ramasser d'autres affaires. Là. Ouh. Ouais. À chaque tableau, ça t'a fait commencer à trouver du gaz? Ouais, puis à trouver des armes aussi. C'est ça. T'as juste ton petit minigun au début de chaque niveau, fait que là, faut que tu trouves des munitions puis des armes. C'est cool, ça! Et il y a 13 niveaux, je pense. Mais c'est quand même des bons niveaux. T'sais, les niveaux ont des checkpoints, puis tout. T'as plusieurs affaires à faire. Des fois, faut que tu trouves la sortie, mais des fois, comme t'as comme ton vaisseau, puis là, faut que tu ramasses des trucs, puis tu les ramènes toujours au même point de départ. Mais j'ai vraiment trouvé ça satisfaisant, comme genre un jeu à comme jouer une soirée, puis se concentrer là-dessus. T'sais, un petit narratif tout simple, mais c'est beau. Puis la physique était pas comme... Tu sais, des fois, la physique, c'est chiant. Là. Ouais. Des fois, t'as des obstacles, pis t'es comme, ben, ça arrive des fois qu'il y a des obstacles, pis ils peuvent juste bloquer ton chemin, mais c'est probablement parce que t'as pas fait la bonne affaire. Pis tu peux prendre ton grappling hook pis les repousser d'une autre façon. T'sais. Ah. Je trouve ça cool. C'est vraiment bien fait. J'ai vraiment aimé ça. Je trouve ça cool, le concept de jeu où tu recommences, comme quand tu recommences, pis là, tu perds tous tes power-ups du tableau d'avant. Ouais. Parce que ça peut faire du bon level design aussi. Ouais. Ben, c'est ça, à chaque début de level, il faut comme. Ben, tu sais, si t'es pris à ramasser des morceaux de vaisseau, ben là, tu peux juste ramasser ceux qui sont comme au niveau du sol. Ouais. Puis jusqu'à ce que tu trouves du gaz, puis là, tu vas aller chercher les morceaux plus haut, tu sais. Ouais. C'est nice. Il y avait un bon jeu au Game Boy Advance qui s'appelait Drill Dozer. C'était un peu ça, dans le sens que t'étais une petite fille dans une espèce de suit qui avait une grosse drill, puis toutes les mécaniques du jeu étaient reliées à cette grosse drill-là. Et okay. La grosse drill, tu pouvais la faire tourner à 3 niveaux. Fait que, au début, t'étais en gear 1, fait que tu peux juste la faire tourner un petit peu avant qu'elle arrête, puis là, faut que tu recommences. Puis là, quand tu pointes ta deuxième gear, là, tu peux monter gear 1, après ça, gear 2, puis là, ça va tourner plus longtemps, puis ça va faire plus de dommages aux ennemis. Puis là, quand tu montais à Gear 3, là, tu pouvais spinner comme à l'infini. Puis faire certaines choses, puis certaines mécaniques. Puis la musique, elle devenait vraiment cool à chaque fois que tu pognais la Gear 3. Là, ça, c'était le meilleur bout. Et ce qui était cool, c'est que t'avais ce meilleur bout-là à chaque tableau. Fait que c'était comme vraiment cool à chaque tableau. C'est satisfaisant. Oui, parce que là, tu sais, au début, tu perdais tes gears, fait que là, tu t'avançais, puis là, c'était comme, c'était difficile. Fait que tu sais, ça faisait une belle courbe de progression. Au lieu de faire que tu deviens toujours meilleur, puis donc, t'as jamais comme de... Tu sais, c'est dur de te remettre, de remettre du défi, alors que là, là il pouvait t'enlever tes gears à chaque tableau, fait que des fois, là, il y avait comme de quoi que... de difficile à faire avec juste une gear. Mais, comme t'es rendu bon, ben, tu réussis à le faire, alors que t'aurais pas réussi à le faire au début du jeu. Parce que ça, tu savais comme pas... Ça te fait pratiquer à jouer avec juste une gear un petit peu à chaque tableau. Puis il y avait des tableaux où ils te donnaient les trois gears en partant, parce que, pour une raison, il t'en avait besoin dans ce tableau-là. Puis, ben, ça faisait que... Ça te donnait un autre genre de tableau, là, où tu jouais tout en troisième gear. Ah, Drill Dozer. Faudrait que j'y rejoue. Je viens de poster, t'as parlé de la musique, là, faut que je viens de poster l'OST dans le chat de Capsize, ça aussi c'est vraiment bon, là. C'est comme, c'est approprié, là. Ah ouais, c'est ça que j'avais. Je pense que, à un moment donné, j'avais acheté un gros bundle de soundtrack de jeux vidéo. Ah ouais? Qui me semble, attends, je veux pas dire n'importe quoi, là. Mais, vous pouvez continuer à parler pendant que je check mon iTunes. J'ai joué 4 heures, puis bref, c'est juste... comme juste un bon jeu satisfaisant. Ça a duré ça, mais comme quand j'ai réussi à battre le boss puis enfin avoir la fin, j'étais comme vraiment fière puis satisfaite. Puis l'expérience est juste complète. Fait que j'aime ça, les jeux qui durent pas 30 heures, mais qui sont vraiment bons. Ouais, man. C'est une bonne durée. Ouais. Puis c'était quand même pas facile non plus, mais comme je voulais pas arrêter, je voulais continuer, tu sais, même si des fois je réussissais pas, puis je trouvais pas où est-ce qu'il fallait que j'aille, mais comme le jeu est assez bien fait pour que t'explores partout, puis tu finisses par trouver. Mais de toute façon, ils disent tout le temps comme un peu genre dans quelle direction il est ton prochain objectif, là. Fait que si tu trouves plus, ou si tu vois que la flèche à pointe par quelque chose, que tu penses même pas qu'il y a une plateforme là-bas où est-ce que tu peux aller, ben là, comme tu sautes dans le vide puis tu regardes qu'est-ce qu'il y a, puis tu te dis que je vais pouvoir grappling hook à quelque part. Tu te dis qu'il y a quelque chose par là. C'est à quoi ça me fait penser, c'est... Blob, te souviens-tu le nom du jeu? Tu sais, t'étais comme un espèce de petit bonhomme puis tu pouvais grimper. C'est un jeu indie fait par genre un dude. Est-ce que tu parles de Knit? Oui! Oui! Oh man, t'es bon! Ça, c'est fantastique. T'es bon parce qu'avec le premier jeu que j'ai donné... C'est un de mes premiers jeux indie, puis genre, je suis sûr que tu m'en as parlé parce que je jouais à l'université, fait que tu m'avais vu jouer, puis... Ben oui, c'est ça. C'est un jeu d'exploration, mais tu peux avoir du défi aussi si tu mets des ennemis, mais... Genre, en plus, il y a un level builder qui venait avec. C'est écran par écran. Donc, super le fun. Puis je me souviens parce que c'était un peu comme... Tu sais, il y avait beaucoup de... Vu que tu pouvais grimper, il y avait beaucoup de verticalité dans les tableaux. Puis je pense que il y avait pas comme un power-up qui donnait un double jump ou quelque chose comme ça. Oh, il y avait plein de power-up. En fait, grimper sur les murs, c'est un power-up. Courir vite, c'est un power-up. Le double jump, c'est sûr, mais tu pouvais avoir aussi le high jump. Fait que là, les deux combinés, ça faisait que tu sautais vraiment haut. Tu pouvais avoir un petit parapluie pour tomber lentement. Ouais. Il y avait toutes sortes de choses. Puis quand tu fais tes levels toi-même, c'est toi qui décides où tu places les power-ups et si t'en places ou non. Tu vas décider aussi si le joueur commence avec certains ou pas. T'avais quand même pas mal de latitude. Ouais. Puis c'était il y avait beaucoup de verticalité, puis la musique était smooth, puis il fallait retrouver des morceaux. C'était des morceaux de vaisseau, je pense, qu'il fallait retrouver. Non, qu'est-ce qu'il fallait faire? Essentiellement, quand dans ce jeu-là, t'as des flags dans les tableaux qu'il faut que t'actives, puis il y en a un que ça donne à être la fin. Ouais. Mais le but de l'histoire qui venait avec le jeu, c'était, je pense, d'éteindre la grosse machine méchante qui pollue, quelque chose comme ça. Ouais. Détruit le monde. Il y avait Knit puis Knit Stories, hein, je pense. Ah, attends un petit peu. Oui, c'est vrai. Je pense que tu pensais au vieux Knit. Moi, je pensais à Knit Stories parce que j'ai joué à Knit Stories avant. Ah. Ben, ouais. Oui, dans Net, c'est vrai. Je pense que, justement, tu retrouves des morceaux, mais ton bonhomme, il s'est déjà grimpé. Puis, je me souviens plus s'il y avait les power-up qu'on parlait. Les souvenirs se mélangent, là. Les deux jeux se ressemblent beaucoup, là. Ben, ça fait longtemps, hein? Ouais. Puis, c'est tough à retrouver parce que quand tu cherches Net, ça te donne juste des trucs de knitting, de tricotage. Knit game, peut-être. Ah ben oui. Le designer s'appelle Niflis Nygren, si je me rappelle bien. Ouais, parce que là, je suis sur son site Niflaus Game. Knit Stories, Night Sky, Within a Deep Forest. Ça, je me souviens, j'avais joué à ça. Knit Underground, ah, il en a fait un nouveau. Knit Underground, je pense que c'est celui qui a des graphiques semi-photographiques dedans. Et là, il a fait un jeu de Wii U, Space Adventure, ça. J'ai un peu... Celui qui a fait Affordable Space Adventures, ah, ouais. C'est super bon ça. Ouais? Ah, ok. C'est quoi? J'ai juste entendu parler que c'est un jeu que, genre, je pense que t'as un vaisseau fait tout en junk, ça. Ça se peut. Ou le Affordable Space Adventures. Ah oui, à l'époque, il avait fait Syra aussi. Dans Syra, c'était super amusant. Il y avait des genres de puzzles qui ressemblaient au hacking dans Fallout 4. Puis sûrement les autres avant. Là. Genre, t'allais sur des terminales, puis t'avais des petits puzzles dedans. Ah ouais. Ouais. Ben, c'était pas nécessairement avec des mots, là. T'en avais, c'était plus comme résoudre un diagramme qui a l'air d'un diagramme électrique, là, brancher des choses. Celui-là aussi avait fait un kit pour faire des tableaux, mais c'était moins intégré que Knit Stories, puis tu pouvais pas faire tes puzzles toi-même parce qu'il avait comme tout programmé ça, genre un par un. La seule affaire, c'est que le jeu il est sorti comme s'il était épisodique, puis il a juste mis un épisode, puis il n'a pas jamais retravaillé pour en faire d'autres. Ah. Bon. J'avais vraiment aimé ça, par exemple. Ça avait un petit feeling Lara Croft en 2D, parce que tu grimpais sur les murs, puis ben, des fois, pour monter sur les murs vraiment plus haut, fallait comme que tu aies un élan. Fait que là, tu allais utiliser ta vitesse pour grimper plus haut vertical, tu transférais ta vitesse horizontale en vitesse verticale pour grimper, puis t'accrocher pour aller rebord. Yeah. Faire des genres de wall jump. Si vous voulez les retrouver, là, juste pour qu'on les retrouve, parce que Knit, justement, ça se trouve mal, mais ça s'écrit K-N-Y-T-T. Fait qu'en cherchant ça, Knit puis Knit Stories... K-N-Y-T-T? Ouais. Oui. Okay, parce que moi j'ai un jeu qui s'appelle Onit, O-K-N-Y-T-T, je pense. Ah. C'est très drôle. Ben oui, c'est totalement un autre jeu, ça n'a aucun lien, là. Aucun lien. Okay. C'est vraiment même, ça s'écrit, hein. Ben oui, O-K-N-Y-T-T. Donc, ça, c'est pas le même gars, mais c'est genre, c'est un point and click, là. Oh boy, ok, non. Pas en tout la même chose. Non, c'est ça. Mais j'ai vraiment trouvé ça bon. Ah, mais ça veut dire de quoi? Wikipédia Onit. Les onites, en suédois, veut dire rugueux, sont de petites créatures humanoïdes surnaturelles du folklore scandinave. Ben c'est très ça que tu joues. Tu savais pas ça? Ben, probablement que c'est ça que tu joues dans Net aussi. Peut-être, parce que dans Onit, c'est vraiment ça que tu joues aussi. Ça se pourrait. Ben, c'est-tu comme une bébite qui a de l'air comme toute faite en poêle, genre? C'était pas une fille avec des cheveux longs? Un peu. Comme une espèce d'écureuil avec des cheveux longs? Un peu. Dans Net, c'était un genre de petit bonhomme qu'on ressemblait à un gars avec la tête fluffy, là. Es-tu plus petit que les autres, genre? Il était tout petit, il me semble. En tout cas, dans l'écran, il était tout petit. Pas nécessairement plus que les autres, là. Tout était petit. Ouais. Ah ben, je suis confuse, bon. Parce que ça voudrait dire de small folk. Ouais, ben, ça, peut-être qu'ils sont small dans leur environnement. Là. Il y a quand même des espèces d'insectes quand même assez géants. Ils sont comme la même grosseur que toi, fait que... J'imagine que... Et oui, là. C'était cool parce que c'était vraiment un jeu d'exploration qui était pas trop difficile. Il y avait bien des checkpoints. Il y avait pas vraiment d'ennemis. Ben, des ennemis sont pas là pour t'es tuer juste pour que tu fasses le tour. Ouais, genre. Ok. Fait que c'était. Ben, je pense que tu pouvais pas les tuer. Non. Genre, tu pouvais y toucher, puis tu partais en fumée, là. Mais. Ah, ben, ça, c'est pas une bonne chose. Il y avait aussi, genre, des créatures qui faisaient rien. Ils étaient juste là, pour être belles. Ah oui, ça ressemblait à des méchants, mais vu qu'il y avait rien de. Il y avait pas de petite aura rouge après, tu voyais que, genre, ils faisaient pas de dommages. Ils faisaient juste se promener. Man, ça fait tellement longtemps ces jeux-là, mais c'était bon. Là, j'y rejoue. C'est des bons souvenirs. C'est pas long à faire en plus. Ouais, c'est vrai, c'était comme une heure faire le tour. Ouais, ben, ça dépend. Là. Tu peux tout le temps télécharger des quests pour, puis si tu vas sur les forums du jeu, il y a du monde qui va avoir fait des super longs mondes avec plein d'affaires. Ouais. Tantôt, tu parlais de hacking. C'est-tu vous autres qui m'aviez parlé de Hacknet? Tu parles de NetHack ou... Non. Hacknet, c'est vraiment un jeu. Je sais pas si j'en ai parlé à un moment donné, puisque j'ai pas joué, mais j'en ai entendu parler. Ah, mais moi j'ai joué pas mal. C'est le gelé sur mon. Ben oui, je l'ai. J'ai. Parce que, tu sais, tantôt, je parlais que j'avais streamé le jeu de pinball de Windows, puis que ça c'était mon apéritif avant de faire mon vrai stream. Bon, ben, le vrai stream que j'ai fait, c'était Hacknet, qui, by the way, est pas un très bon jeu pour streamer parce que l'action. Et se passe surtout dans la tête du joueur. Mais, fait que donc, c'était pas vous qui m'aviez parlé de ça. Parce qu'à un moment donné, on avait fait un épisode qu'on a comme parlé juste de jeux de hacking. Puis, il me semblait que c'était dans ceux-là, mais ok. Ça se peut. J'ai joué à ça la semaine passée. Puis c'est ça, je suis devenu un méga hacker. un lead hacker. Avec ouais non je me rends compte qu'on peut pas écrire en lit à l'oral hein, ça marche pas. Non. Hack de planète. Hack de Gizmo ou whatever ce qu'il disait dans le film. Fait que ouais, dans ce jeu là c'est cool parce que ça te donne l'impression d'être un vrai hacker même si en pratique tu fais juste comme un peu cliquer sur des affaires puis écrire des commandes au clavier. Assez basique. Mais t'as le feeling quand même. Puis ça, c'est vraiment cool. Genre, au début, tu vas hacker le terme. T'as ton ordi, puis là, t'es connecté sur le réseau de l'université. Fait que là, tu vas hacker l'ordi de l'université. Puis là, tu vas ramasser des affaires. Puis là, tu reçois des emails d'une autre personne. Qui te dit, qui te donne comme un peu la petite histoire. Là. Fait que, puis là, il ou elle, je me souviens plus, te dit d'aller hacker des affaires, puis là, tu fais ça. Puis là, ça te donne des meilleurs tools pour faire ton hacking. Puis là, tu t'inscris dans une guilde, pas une guilde, mais un clan de hackers. Comment tu appelles ça? Un regroupement. Donc on dirait genre ce que Watch Dogs aurait dû être. Ouais, mais non, là, parce que Watch Dogs, c'était Assassin's Creed, là. C'était un jeu de bonhomme qui se promène dans une ville. C'était GTA. C'est GTA, en fait. C'est ça. Là, GTA hacking. Là, c'est pas ça, là. Là, c'est comme, t'as ton écran d'ordi. T'as un écran d'ordi dans le jeu. Puis là, ben, T'as un écran d'ordi dans ton écran d'ordi. Tu fouilles dans tes dossiers. Tu fouilles dans les dossiers, tu lis des fichiers, tu lis des logs, tu délites des logs. Ça, tu fais ça souvent. c'est important parce que si tu laisses des traces, tu peux te faire pogner. À un moment donné, il y a un bout où je me suis fait hacker parce que j'avais essayé de voler des trucs sur l'ordi d'un gars. Puis là, il m'a dit genre, « Hey, est-ce que tu noob, t'es dans un bain tapon? » Puis là, il a délité mes fichiers système, puis il a fait crasher mon ordi. Puis là, j'étais pas content. J'étais là comme, « Fuck! » Puis là, tu reboots. Mais là, il te manque les fichiers système, fait que toute ton interface graphique est plus là. Puis là, faut que tu te souviennes des commandes texte que d'habitude, t'as pas besoin de rentrer parce que t'as l'interface graphique. Là, tu zigonnes, là, tu fais help pour lire le help puis te trouver c'est quoi les trucs. Là, j'avais fini par, tu sais, me connecter. J'ai réussi, j'étais assez fier de mon coup. Là. Je me suis connecté sur le réseau de l'université. Là, j'ai downloadé les fichiers d'OS qui me manquaient. Là, je tape reboot, enter, l'ordi reboot. Puis tu sais, ça reboot comme pour vrai, là. Tu sais, comme c'est long. Et là, c'est comme bon. Là, c'est pas un disque dur SSD. Là, il n'y avait plus les messages d'erreur. Puis là, j'étais comme yes! J'ai rebooté. Là, mon interface n'était plus comme avant, elle était comme bizarre, mais au moins j'avais une interface graphique, j'étais content. J'étais comme, oh man, je suis le lead hacker! C'est ça, j'avais entendu dire que genre, ça donne vraiment le sentiment d'être un hacker, genre. Ah ouais, ouais, c'est trop malade. Ouais, je pense que c'est juste pour ça que je l'ai mis dans ma wishlist, là. J'en avais entendu parler, j'étais là, oh, ça a l'air de donner un sentiment tellement ouais, puissant. Tu sais, c'est sûr que si tu regardes les screenshots sur Steam, tu vas faire « C'est quoi ce jeu laid-là? » Mais en fait, c'est un très bon jeu, là. C'est comme... Puis il y en a pour plus beaucoup d'heures, parce que genre, j'avais l'impression d'être comme au tiers ou à moitié du jeu, là. Puis il y avait encore plein de choses qui me restaient à apprendre, comme plein de techniques de hacking. Tu sais, comme à un moment donné, t'apprends une technique, parce que, tu sais... T'as des techniques pour désactiver les firewalls, t'as des techniques pour désactiver les proxys, puis hacker les ports. Mais à un moment donné, des fois, ça marche pas. Là, tu développes une technique où là, tu peux te connecter sur un réseau, là, scanner s'il y a un appareil EOS, comme iOS. C'est au lieu d'être iOS, c'est iOS, parce que E en anglais, en tout cas. Fait que là, tu peux scanner, puis là tu peux rentrer là-dessus, t'as connecté sur l'appareil, puis là tu sais que le mot de passe admin c'est toujours le même, fait que là tu peux rentrer le mot de passe admin, puis là tu te connectes là-dessus, puis là tu peux revenir te connecter sur l'ordi avec le mot de passe, en tout cas c'est très cool. Puis là tu peux, là je t'ai rendu à fouiller dans une compagnie qui fait de l'encryption avec un système, mais ils sont pas bons. Là, je décryptais leurs fichiers, puis j'utilisais ça pour décrypter d'autres affaires, puis j'étais comme, oh man, je suis trop le lead hacker. C'est pas mal bon. Il y a beaucoup de side quests, beaucoup de quests. L'histoire est correcte. J'ai envie de finir le jeu juste pour voir qu'est-ce qui va arriver, là. Mais c'est un jeu qui, on s'entend, c'est lent comme débit. Puis c'est pour ça qu'en stream, c'est pas la meilleure chose à streamer, parce qu'il se passe pas grand-chose, hein, à part des mots sur l'écran. Du temps jasé. Ah, OK. Ben, tu fais-tu le voice-over? Non, je lisais pas les... Ah, okay. Wow, il y a bien trop d'affaires à lire. Il y en a, tu sais. Il y a beaucoup de choses à lire. Il y a beaucoup de... Tu rentres sur les fichiers des gens, fait que tu lis les fichiers, puis tu fouilles dans les dossiers, tu essaies de trouver ce qui est pertinent, ce qui est pas pertinent, trouver les mots de passe ou les informations. Puis là, des fois, quelqu'un mentionne une adresse, puis là, tu fais comme, c'est pas dans mes missions, qu'est-ce que ça fait si je me connecte dessus? Puis là, tu te rends compte qu'il y a full de protection, tu fais comme, bon, OK, je sais pas quoi faire. Puis là, plus tard, t'as les outils. Puis là, tu reviens. Puis là, tu fais comme... Qu'est-ce qu'il y avait sur cet ordi-là? Puis là, tu trouves des affaires qui te permettent d'avancer plus vite dans le jeu puis skipper des étapes. Fait que c'est comme un petit secret, dans le fond, que j'ai trouvé. Ça, c'était cool. Hacknet. C'est sur Steam. Ouais. Je pense que ça coûte une dizaine de piastres. Là. Je sais plus si je l'ai acheté en spécial, mais c'était cool. Puis je vais sûrement essayer de le finir. Hey, on n'a pas pris de pause! Non, ben, j'ai passé de m'en donner, mais c'est comme on est en feu, là, fait qu'on arrive pas. On est en feu? Mais il y a plein de jeux qu'il faut que j'essaye, là, Inside puis Hacknet, ça a vraiment l'air. Oh ouais, Inside, c'est génial, c'est un chef-d'œuvre. Inside, là, ça... Quand à la fin de l'année, là, ça va être genre... On peut s'attendre à ce que ça soit sur les listes de tout le monde. Ah ouais, pour vrai? Ah ouais, c'est de ce niveau-là. Ah. C'est un jeu... C'est un film à Oscar. OK. Quand on dit un film à Oscar, là, c'est un jeu vidéo à Game of the Year. Là. Genre, ouais. C'est un chien de course. Là. Un cheval de course. C'est un bon gameplay, ça fait réfléchir, c'est full de beau, c'est ultra polish. C'est l'autre affaire, j'ai oublié de dire. C'est comme, tu sais, le jeu il est très court, puis les mécaniques sont simples. Puis l'équipe qui le fait, ça fait comme 6 ans qu'ils travaillent là-dessus, depuis Limbo. Aïe, aïe. Fait que genre, c'est méga polish au bout. C'est fou. C'est fou. Il n'y en a pas des jeux comme ça, genre. Tu sais, je regarde. J'ai fini de jouer à Inside, puis là, je suis allé revoir ma blonde qui était en train de jouer à Dragon Age Inquisition. En tout cas, le dernier qui est sorti sur PS4, là. C'est comme un jeu qui est beau avec la grosse environnement 3D. Un jeu à budget. Un jeu AAA, Puis je regardais ça, puis j'étais comme, ah ouais, c'est sûr que quand tu regardes un jeu AAA, il y en a du stock. Puis là, je regardais, j'étais comme, ouais, mais c'est bien moins beau. Genre, Inside, c'était bien plus beau. Mais c'est sûr, c'est tellement minimaliste qu'ils peuvent mettre, tu sais, plein de blur pour faire des effets, puis en tout cas, c'est malade. Puis la fin, man, la fin. Le dernier corps, là. Ouf, c'est spécial. Bon, donc, une émission pas de pause, qu'on est en feu, qu'on hack des affaires, puis qu'on tape des catamaries, puis qu'on parle de vidéo, puis de pinball de Windows. Hey, on en dit-tu des niaiseries? On en parle d'affaires dans une émission. C'est comme si on avait plusieurs vies. Ouais, sauf qu'on en a juste une, c'est fou. Ouais. Mais c'est sûr que quand on fait pas d'émission pendant une autre semaine, là, on en a tout le temps plus aussi. On a plus de vies. Non, plus de stock. Puis on les met en commun. C'est qu'on a, on est trois, fait qu'on a chacun. C'est comme. C'est, on a chacun une vie. Ça devrait être ça, le titre du podcast. C'est ça, puis on les poule. On a juste chacun une vie. Mais en commun, on a trois vies. En tout cas. Mm. Bon. Là, quand on se met à dire des niaiseries de même, c'est une émission. Il y a un mode co-op à Capsize aussi, by the way. Oh! Ouais, parce que je vois qu'il y a des achievements de co-op, j'avais comme pas remarqué, mais il y a un mode co-op. Avez-vous des petits mots de la fin, vite, parce que moi, je pense pas que j'en ai. Non, j'ai rien à mentionner cette semaine. Bon. Je continue à jouer à Hyrule Warriors Legends sur la 3DS. Oh! Puis, j'aime ça. Bon, c'est correct, ça. Des jeux à la Dynasty Warriors que tu fais juste taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper, taper. Ok. C'est vraiment le fun. Est-ce que tu tapes? Ça aussi, ça te fait sentir puissant. Tu détruis des armées, là. Tu sais, quand ça te dit, genre, ça fait 1000 KO que tu fais, là, t'es comme, yeah! Quand est-ce qu'ils vont faire Hyrule Warrior Clicker? Hyrule Warrior Tapper? Je sais pas. Dynasty Warrior Tap. Dynasty Wiretap. Il y a plein de bonhommes qui arrivent pis tu fais juste ça. Tu veux juste les il y a clairement des trucs semblables. Bon. Ben. C'est une idée gratuite, ça. pour les développeurs qui se sont rendus là dans l'émission, une belle idée gratuite que vous pouvez nous voler. Pis si vous le faites, envoyez-nous-le parce que ça serait drôle. Et sur ce, c'est pas mal ce qui termine l'émission. Yep! Des mots de la fin express et pas de break. Si vous voulez plus de On a juste une vie, vous savez où nous trouver. C'est sur onajusteunevie.ca où vous avez les liens vers notre pour vous abonner sur iTunes, YouTube et à nos pages Facebook et Twitter. On est aussi distribué sur l'entredugeek.com. C'est pas mal ça. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire info@onajusteunevie.ca ou nous dire de la merde ou nous envoyer des bêtises sur Twitter ou liker nos posts Facebook parce que c'est cool. Quand vous likez nos posts Facebook, ça veut dire qu'on a des auditeurs. On est comme surpris des fois. C'est vrai, hein? Ça nous fait chaud au cœur. Yes. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec plus de jeux vidéo et plus de vie, parce qu'on en a rien qu'une. Et ris pas trop en buvant de la bière, Anne-Marie. C'est pas une bonne idée. Tu fais ta drôle de bruit, quoi? Non, mais t'as failli t'étouffer. Mais non. Non? Non. C'est que toi, t'es capable de rire pis de boire en même temps. C'était pas une grosse gorgée. Anne-Marie, la surpuissante. C'est comme glou, glou, glou, glou, glou. Mais tu sais, tout va bien dans mais le non, tout. Je suis pas étouffée. Tous tes tuyaux, ils sont tous bien organisés. C'est comme, non, là, c'est mais le temps oui. de rire. Là, c'est comme, OK, le trafic. Toi, c'est quoi, t'as un feu de circulation hein, ici, là? Puis là, ça trie tout bien comme il faut? Ouais, ça se passe pas tout le temps de même, par exemple. Mm-hmm. Mm-hmm. Semblait aussi.